c'est que tu n'aimes pas de toi tout ce qu'on. Quand on se retrouve dans le cadre d'une réunion chrétienne, tout naturellement, ce verset de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17, doit nous animer. Que quand je pars me réunir avec mes frères, avec mes soeurs, c'est pour devenir meilleur. C'est ce qui doit nous animer en permanence. Quand on envisage de nous réunir dans le cadre chrétien. Amen. Amen. Quand on a cette pensée que les réunions chrétiennes ont pour but d'être meilleures, tout naturellement, notre cœur doit maintenant être face à un défi. Notre cœur qui est à la loi de notre entendement devrait nous porter à mettre en œuvre tout ce qui va concourir à me rendre meilleur, de telle sorte que dans le cadre d'une réunion chrétienne, avant que je ne sorte, qu'il y ait quelque chose en moi de négatif qui commence à perdre son pouvoir. Quand on dit devenir meilleur, ça signifie que ce qui nous éloigne de Dieu ou ce qui nous rend répréhensible devant Dieu, ça cède, ça cède la place à ce qui honore le Seigneur. Amen. Amen. Quand on se réunit pour devenir meilleur, étant déjà mu par cette pensée-là, ça veut dire qu'on s'arrange. Étant dans la faiblesse, on peut mettre dans le cœur en train de dire, Seigneur, je sais combien de fois ma chair exerce souvent une certaine dictature sur moi. Mais je te prie de me donner la force justement, jour après jour, à prendre le dessus de cette chair-là. C'est pas ça. Si on n'est même pas la pensée de devenir meilleur quand on se réunit, en faisant cette prière, on va avoir la force. Et ça va nous encourager à incliner notre cœur vers ce qui concourt à devenir meilleur. On a commencé la prière par l'Esprit ici qui devrait nous aider et continue de nous aider sur plusieurs aspects, un peu comme cet aspect-ci. Si continuellement on s'exerçait à ce que dans certaines conditions où notre chair a tendance à réagir d'une certaine manière, si on prend seulement garde, de telle sorte que quand la chair veut s'exciter pour quelque raison que ce soit, si dans notre cœur on prie, je vous assure, si c'est de sincérité, si c'est avec sincérité qu'on le fait, la chair va tempérer ses ardeurs. Quelqu'un a déjà essayé ça? Ça veut dire que tu te trouves dans des conditions défavorables où ta chair est portée à poser tel acte. Mais dans ton cœur, à l'instant, parce que tu veux honorer ton Dieu, parce que tu ne veux pas que l'évangile soit calomnié, ou bien que le nom du Seigneur soit l'objet de blasphème, dans ton cœur, tu commences à prier. Je vous assure, tu vas avoir une force surnaturelle qui va tempérer les ardeurs de ta chair. Et tout naturellement, sans fournir un effort extérieur, tu vas voir comment tes membres vont perdre la force. Et Satan aura perdu le combat à ce moment-là. Amen. Si quelqu'un n'a pas encore essayé là, je vous propose de le faire. Et puis vous allez voir le résultat. Même s'il y avait n'importe quoi qui semblait prendre le dessus, en priant de la sorte, vous allez avoir une force surnaturelle à l'instant qui va vous retenir, qui va être comme un frein. Stop! Et toi-même, tu vas être surpris par la suite de voir que mais, d'habitude, quand les choses se passent de telle manière, je réagis aussi de telle autre manière. Comme bien une phrase qui est dans en français, on dit souvent que les mêmes causes produisent quoi? Les mêmes effets, n'est-ce pas? Vous allez justement réaliser en ce moment-là que les mêmes causes ne vont pas produire les mêmes effets parce qu'une autre personne entre en scène. Et vous voyez comment les membres là perdent leur force. Quand on dit dans. Quand je l'ai écrit dans Colossiens chapitre 3, le verset 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir. Vous pouvez donc faire mourir comment? On prend le couteau, comme le Seigneur a dit. Si ton main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Je vous ai proposé une bonne manière alors de couper cette fois-ci. si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache. Le Seigneur a-t-il réellement dit d'arracher physiquement? Non, je t'ai seulement en train d'introduire pour dire que le cadre des réunions chrétiennes, quand on se retrouve, bien quand on sort de chez soi, pour venir dans le cadre d'une réunion comme celle-ci, on doit avoir calé dans notre pensée, marqué au fer rouge, pour prendre le temps d'expression de certaines personnes, qu'on passe à se réunir pour devenir meilleur. Si ce n'est pas ça, si on n'est pas mu par ça, si on vient juste, et si ce n'est pas quelque chose qui chute dans notre pensée, on court un grave risque d'être un religieux endurci. Au lieu d'être dans une phase transitoire des religieux qui est porté pour devenir un vrai chrétien, membre du corps de Christ, à part entière, mu et conduit par son esprit. Quand on est mu par cette pensée de devenir meilleur, ça nous porte naturellement à être devant Dieu pour dire Seigneur, c'est mon désir, c'est le désir ardent de mon cœur. Ayant ce désir ardent, le Seigneur va tout naturellement nous appuyer. Et jour après jour, avec un peu d'attention, on va voir qu'on marque des progrès, Des choses qui, avant, nous tenaient captifs, cèdent progressivement le pas. Et on manifeste un caractère qui est de plus en plus ce caractère-là qui honore le Seigneur. Amen. Dans le cantique numéro 195 dans le chant de victoire. Cantique numéro 195 dans le chant de victoire. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père. Inclinons la tête, prions. Parle au Seigneur conformément à ce que tu as entendu toi-même, conformément à ce que t'es, à ce qui te concerne. Parle-lui toi-même. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Père, nous voici au devant de toi encore ce soir. Inclinons devant de toi, Père, nous nous attendons à toi. Et tu connais, ô Dieu de gloire, les désirs de nos cœurs. Nous prions, ô Père de gloire, que tu inclines nos cœurs vers ta volonté. Et que tu nous donnes de vivre d'après elle. Dirige nos pensées, nos cœurs vers ta volonté parfaite. Et donne-nous la capacité de vivre d'après elle. Nous soumettons, Père de gloire, nos âmes, nos pensées, nos regards vers celui de là qui est le chef et le consommateur de notre foi. Seigneur, je prie au Dieu de gloire pour tous ceux qui sont sous l'influence de cette voix, que tu ramènes leur cœur devant le trône de grâce. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Veuillez donc vous saluer les uns les autres. Vérifiez que vous saluez les uns les autres, y compris même les enfants. Saluez-vous les uns, les autres, les unes, les autres. Même si vous êtes enceinte, vous avez quand même marché avant d'arriver ici. Et ça, c'est pas ça. Hein? Ça va, la soeur? Bien, bien. Bien, bien, bien. Quand tu me vois, tu veux pleurer seulement. Ça va, la soeur? Oui, Daniel, j'ai vu ici. Daniel, salue-moi. Ça va? Tu m'as gardé pour aujourd'hui. Ça va, fille? Tu m'as gardé pour aujourd'hui? Non? Le biscuit et le chocolat. Ça va, Priscille? Toi, tu m'as gardé quoi? Rien. Rien? Mm-hmm. Ok, je me fâche alors. Est-ce que c'est normal que Priscille me garde pas? Moi, t'ai gardé. Quoi? Tu m'as gardé quoi? Le quoi? C'est où alors? Il y a dans le sac de maman. Ben voilà, après vous prenez, vous me donnez, n'est-ce pas? Ça va, mon cher? Saluez-vous les uns, les autres, les unes, les autres. Ça va, mon cher frère? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu vas entendre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ça va? Que Dieu te bénisse. Bonsoir, ça va? Ça va, mon cher? Bien, bien. Baisse-toi la tête, prions. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux que tu disposes pour l'Église. Merci Père de gloire pour ce rassemblement ce soir. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de parler de toi. Qui sommes-nous Père, les pauvres mortels dans l'univers, dans cet immense univers que tu as créé. Des créatures et des créations fourmis dans tout l'univers, dans tout le plan de l'univers que nous n'avons pas encore découvert. Dans les tréfonds, ô Dieu de gloire des galaxies, se trouve ô Dieu de gloire des êtres. Mais ici se trouvent des gens que tu as créés à ton image. Et j'ai prié au Dieu de gloire que ce soir, tu daignes prendre ces petites choses que nous avons sur les lèvres de mortels. Ce merci, Père de gloire, de ce peuple et tous ceux qui nous écoutent. Ce merci pour le souffle que tu nous as renouvelé. Nous te disons merci, Père de gloire, pour l'amour que tu témoignes pour nous, ta protection, ta bienveillance et ton regard au Dieu de gloire favorable vis-à-vis de nous. C'est toi qui as tout accompli pour nous. Et tu as dit dans ta parole que tout ce que nous réalisons, c'est toi qui le fais pour nous dans les cieux. Voici, nous sommes encore dans la réunion avec ce peuple et toi au milieu de nous. Nous voulons, Père de gloire, que tu viennes prendre notre cœur pour aller devant le trône. Seigneur, Esaïe avait crié ces jours-là pour dire au Dieu, il habite au milieu d'un peuple impur, ses lèvres sont impures et ses yeux ont vu le roi des rois. Dieu de gloire, tu as envoyé tes séraphins prendre cette braise là pour toucher ses lèvres pour dire que malgré que tu aies péché, malgré qu'il y ait eu certaines choses, tes péchés te sont pardonnés. Quand tu dis et la chose s'accomplit, je prie au Dieu de gloire que tu parles à ce peuple, que tu parles à nos cœurs, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et prends la question qui est ici. Je crois que cette question, si nous avons répondu à ça plusieurs fois dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, verset 11, prenez cela. Tu peux lire ça, verset 11 du chapitre 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Voilà. Et la personne pose la question, pourquoi dans ce passage, le Seigneur témoigne de ce qu'il n'y ait jamais eu d'enfant plus grand que Jean-Baptiste? Est-ce parce que dès sa naissance, il fut rempli du Saint-Esprit? Tu peux avoir une Bible ici? Une Bible? Oh, mais tu en as du toi. À cette question, nous avons répondu ça ici plusieurs fois, n'est-ce pas? Pourquoi Jean-Baptiste est témoigné par le Seigneur? C'est la question de la personne. Que Jean-Baptiste est plus grand. Oui, mon frère. Je pense que le témoin lui est rendu parce que c'est le prophète qui a introduit le Messie. Absolument. Et c'est Jean-Baptiste même qui justifie même la chose, n'est-ce pas? Amen. Donc, souvenez-vous, il avait dit que sa joie est grande. On s'attendrait à ce qu'il dise qu'Abraham est plus grand. Qu'il dise que Moïse est plus grand. Mais souvenez-vous d'Abraham. Il a dit à Abraham que Abraham a voulu, vous avez vu comment elle entre par réflexe, elle cherche sa position et s'assoit souvent. C'est classique ici. Je crois que cette Bible ici pèse là maintenant. Donc vous voyez, le Seigneur, dans l'une de Jean chapitre 3, sur le livre de Jean chapitre 3, allons-y un peu là-bas. Jean le chapitre 3. Et pour, si vous notez Jean chapitre 8 également, cette Bible c'est grosse là. Comment on va faire? Jean chapitre 3. Voilà, merci frère. Je crois que ceci est abondant. Jean chapitre 3. Regardez à partir du verset 22 de Jean chapitre 3. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre des Judées, et là il demeurait avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait à un nom, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dit, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, « Écoutez très attentivement. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Soulignez ce passage. C'est suffisant pour protéger maintenant 4 ici, mais avec cette phrase de Jean. Vous voyez, plusieurs fois dans les enseignements et dans 99% des enseignements, il vous dit, il faut que vous sachiez, enfin, tout est présent de toute façon. Un homme ne peut recevoir, je sais que ce qui lui a été donné. Bon, si le ciel t'a donné, tu vas recevoir. Si on ne te donne pas, tu vas faire un comment? C'est Jean, le prophète qui dit ici, il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Quoi que mon frère, prends ceci, prends ta Bible, je vais prendre la Bible. Quoi, ici, il y a version d'Abi, si besoin. Merci beaucoup. Version lui, c'est là. Donc nous sommes dans Jean chapitre 3. Voilà. Vous voyez quand c'est petit, la Bible est petite là, c'est relax là. Jean le chapitre 3. Regardez encore. Verset 27 encore. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc si le ciel ne te donne pas, les cieux peuvent te donner. Vous entendez les prédicateurs utiliser l'expression que les cieux sont en train de travailler pour toi. Quand les gens entendent les cieux, ils croient qu'on a parlé du ciel du Seigneur. Ici, Jean-Baptiste parle du ciel. Vous entendez quelqu'un dire que le séjour des cieux, quand vous en sortez, c'est contrôler vos comptes en banque. Le ciel ne donne pas les comptes en banque. Le ciel ne donne pas les comptes, mais les cieux, ceux qui sont dans le séjour des cieux, peuvent donner compte en banque. Vous savez la différence, n'est-ce pas? Donc ceux qui sont dans le séjour des cieux peuvent faire ces choses-là. Voler de l'argent là-bas, donner de l'autre côté. Mais dans le ciel des dieux, il y a une règle pour que ton compte se nourrit ici sur la terre. C'est que tu mangeras la sueur de ton front. Mais dans le séjour des cieux, on peut faire des choses. Dans le séjour des cieux. Ah, le séjour des cieux travaille pour toi. Le séjour des cieux travaille pour toi. C'est le ciel qui doit travailler pour nous, mais c'est nous qui travaillons pour le ciel, alors. Nous travaillons pour le royaume, c'est le royaume qui travaille pour nous. Verset 27 encore, Jean répondit, je crois que il faudrait mieux qu'il regarde encore la question pour ne pas aller commencer à dire des choses là maintenant. Ah, ouais, le verset 27 là, c'est intéressant ça, de voir quelque chose là maintenant et développer. Regardez, c'est intéressant. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ouais, est-ce que vous comprenez ce verset-ci? Point de jalousie. Si on saisit ceci, je n'ai pas besoin d'envier, gardez mieux le mot, d'envier un frère parce qu'il a reçu une grâce du Seigneur. Parce que chaque personne, de la même façon que vous avez chacun son empreinte digitale, chacun a sa grâce. C'est multiple chez Dieu, mais il donne à chacun selon sa volonté. Vous voyez aujourd'hui, même les serviteurs de Dieu s'entretuent, s'entre-insultent à cause d'une grâce que tel a reçue et tel n'a pas. La jalousie entre, et on commence à faire, un homme ne peut recevoir, un homme. Ici, il n'a pas parlé des serviteurs de Dieu. Ici, il n'a pas parlé des chrétiens. Il dit qu'un homme ne peut recevoir du ciel que ce qui lui a été donné. Verset 28. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. On continue. Souvenez-vous de la question. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, soulignez ce groupe de mots. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, entourez également le mot entendre là. Les garçons là, venez vous asseoir ici, vous laissez les femmes là s'asseoir bien. Viens là, garçon, vous asseoir ici. Voilà. Faites, viens t'asseoir aussi. Non, mais c'est bon là. Pourquoi tu es au sol, ma petite fille? Quand tu es au sol, comme ça, la maman là va venir s'asseoir. Donc, regardez, verset 29 encore. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, vous avez souligné l'ami de l'époux? L'ami de l'époux. Qui se tient là, vous avez vu cela? Qui se tient là et qui l'entend. Qui l'entend qui? L'époux. Éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Hey, la voix. Vous vous souvenez de plusieurs fois dans les évangiles où le Seigneur va dire, plusieurs prophètes ont voulu entendre ce que vous entendez. N'est-ce pas? Mais ces prophètes-là entendaient la voix de Dieu, n'est-ce pas? Mais pas la qualité là. Pas directement de bouche à oreille. La voix. Il dit, la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Maintenant, verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient d'en haut. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Amen. Il parle de qui là, frère? Le Seigneur vient, Jésus vient d'où? Mais maintenant, regardez ici, il dit, il utilise l'expression l'ami de l'époux. La voix de l'époux. Entendre. Alors dans Jean 8, là maintenant, regardez. Vous y êtes. Maintenant, regardez. Parce que là, dans ce Matthieu chapitre 11, le Seigneur parle de la grandeur de Jean-Baptiste. Parmi les hommes qui sont nés des femmes, il n'en est point paru. C'est sans équivoque. Si c'est pour les miracles, Jean-Baptiste n'en a pas fait. Donc ça ne se passe pas sur le rapport des ministères. Ça veut dire que ce n'est pas sous l'angle des ministères qu'il faut regarder. Si c'est pour les prodiges, en Deutéronome finit en disant qu'il n'a point paru quelqu'un qui fait frapper la terre par des prodiges comme ça que Dieu lui avait donné le feu. Il n'y en a point paru en Israël. Donc c'est pour le rapport des prodiges et des miracles, ce n'est pas avant qu'on parle. Ça suppose que si on avait demandé, on avait fait le conseil des prophètes au ciel, on avait demandé que qui doit envoyer. C'est que Dieu aura la morale du choix de choisir, que tout le monde devait choisir, que ce sera moi qui dois l'introduire de tout. C'est qu'Abraham devait dire que jamais, père des nations, quoi sur ça. Moïse dit que tu as vu ce que les juifs vont faire, même vont faire là-bas. S'il montrait l'écran de chacune des personnes avant d'envoyer vers le ministère, c'est que même Moïse n'accepterait pas ce qu'il a voulu. Regardez ce que le Seigneur dit ici. Nous sommes dans Jean chapitre 8 maintenant. Regardez. Maintenant, lui dit les juifs. Non, reprenons la partie verset 48. Les juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain et que tu es un démon? Le prophète dit ici que celui-ci descend du ciel. Il est au-dessus de tous. Ceux qui sont de la terre, le texte des démons. Voilà. Jésus répliqua, je n'ai point de démons. Mais je nomme mon Père et vous m'outragez. Verset 50. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. Verset 51. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Donc, quand on l'attaquait, il donnait davantage de vérité pour les énerver. Maintenant, verset 52. Maintenant, lui dit les juifs, nous connaissons que tu as un démon. Donc c'est ta dernière parole là, c'est une preuve vraiment que tu es vraiment possédé. Moïse n'a jamais dit des bêtises comme ça. Abraham n'en a pas parlé. Regardez. Maintenant, lui dit les juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Par cette position et par cette parole, il montre clairement. À part ça, le gilet par Apollo, c'est comment? Vous savez, il est habillé là-bas comme les gars des billes. Il est emballé partout. Maintenant, lui dit, verset 51, lui dit les juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Verset 53, es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus lui répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. C'est déjà attaquatoire, c'est de dire que Dieu est ton Père, chez les Juifs. Verset 55, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Lorsqu'il a prononcé je suis, ils ont compris que là, c'est très grave, il a dépassé les bornes. Ils comprenaient que c'est celui qui avait parlé qu'à Moïse que descend. Je suis, c'est que je suis. Là-dessus, il prit les pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Vous avez vu là où c'est la conclusion des choses, n'est-ce pas? Donc, ici, il nous donne le compte rendu qu'Abraham lui-même a tressaillé de ce qu'il verrait mon jour. Quand Dieu lui a donné la promesse dans ce livre de Genèse, là, et quand il est allé dehors, il a vu, le Seigneur lui a montré la crucifixion. Quand il a vu la crucifixion, il était terrifié. Mais la Bible déclare que quand il a fini lui montrer la crucifixion, il a dit, c'est pas maintenant. Il faut d'abord que le peuple soit captif et ait besoin de délivreur, d'un sauveur. Quand il a vu cela, il a dit raconter, ils savent que les gens s'ils lisent la Torah, ils comprennent ce qu'ils ont de dire. Il dit qu'un enfant qui était charpentier, s'il commence à raconter des bêtises comme ça, mais on le haute de la terre. Et donc, tous les prophètes espéraient ce moment-là, le moment qui se tenait devant eux. Ils attendaient donc. Et la Bible déclare dans le livre de Pierre, on a déjà lu ça plusieurs fois, que les prophètes qui ont prophétisé à la grâce qui vous était destinée. On fait de ce salut-là l'objet de leur investigation. N'est-ce pas? Avec l'esprit de Christ qui était en eux, ils se sont dit quelle est pour chacun regarder à Christ, chacun donner une portion de Christ, souhaitant voir. Moïse lui-même a dit de Dieu, il dit que tu m'as dit que tu ne me connais pas en mon nom. Et jusqu'à présent, tu ne m'as pas fait moi. Fais-moi voir ta gloire. Tu dis que tu ne me connais pas en mon nom. Et Moïse, on dit qu'il était 40 ans, 40 jours avec lui là-bas, jusqu'à ce qu'il a même vu que c'est le doigt de Dieu qu'il avait écrit sur le commandement. On dit de lui qu'il avait mangé avec lui, que Moïse, il n'y a pas eu un homme avec qui causait avec Moïse comme ça. Face. Il ne parle pas avec énigme, il parle de bouche à oreille. Alors le style de bouche qu'il utilise, c'est quelle bouche alors? Et ici, Jésus dit que ce n'est pas Moïse qui est le plus grand. Jésus dit, c'est Jean-Baptiste. Parce qu'il a vu le prophète. Donc ce que tous les prophètes souhaitaient voir, lui il a vu. Il a introduit que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Souvenez-vous, tous les autres prophètes disaient qu'il sera semblable comme ça. Il sera comme ça. Il sera comme ça. Il sera comme ça. Il sera comme ça. Il sera comme ça. Vous prenez toutes les pièces de puzzle. Jean-Baptiste dit, ok, le voici. Alléluia. Amen. Donc, comme il a dit, le voici, il est plus grand que celui qui avait l'orteil. L'autre avait les cheveux. L'autre avait son trône. L'autre avait son vêtement. Donc, je dis, ok, le voilà. Le voilà. Ça fait de cela le plus grand. Bon, maintenant, si vous prenez grandeur sous le rapport des hommes, il serait le plus petit même. Parce que cette parole n'aurait pas de signification. Mais la voix qu'il entend, il n'a pas dit qu'il glorifie Dieu pour son ministère, pour les âmes qui sont venues en Christ. Il dit la voix. Gardez-vous le mot, la voix de l'époux. Heureux, vos oreilles qui entendent, car plusieurs prophètes ont voulu entendre ce que vous entendez. Si se tient seulement là-bas, il parle. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car vous voulez Dieu prêchant aux hommes. Dieu prêchant lui-même aux hommes, au milieu des hommes. Des questions? Oui, mon cher. Il va parler à haute voix. Qu'est-ce qu'il va parler avec les hommes ici, là? Oui, mon cher. J'ai une question concernant 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens chapitre 11, oui. Concernant le voile de la femme. Tu veux te voiler, mon frère? Non. C'est ton voile. Les femmes posent des questions sur le voile. Toi-même, tu viens poser des questions sur le voile. Je vois ce point. Il y a un petit détail. J'ai écouté l'enseignement. Oui. Il y a un petit détail qui nous a manqué. Peut-être qu'on va peut-être penser que quand l'apôtre Paul conclut en disant que la chevelure nous a été donnée pour le voile, on a souvent pensé que peut-être qu'on fait les traditions. Oui. Tu as apporté la maison de Jérusalem. Le frère. C'est une édition traduite en français sur la direction de l'école biblique de Jérusalem. Viens. Donc, viens alors. Vous savez ce qui se passe. Ne coupez pas la bouche parce qu'il a été introduit, d'accord. Donc, le frère Anno, comme il dit qu'il y a des gens qui font que déranger avec le truc de voile là. Quand il est tombé sur la version qu'on a traduit à Jérusalem, il a dit, ok, comme c'est écrit à la Jérusalem, merde, comment c'est clair ici comme ça, les autres disent que, bon, viens, positionne-toi ici, frère Anno. Donc, pendant que tu étudies comme ça, tu es tombé, tu as dit, mince, c'est clair ici. Non, seulement, il y a eu un détail. Que... Oui, ok, lis-le le détail. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 11, dans votre version, il dit, la car la chevelure lui a été donnée comme voile. La version quoi déjà ici? La version... C'est pour ça que tu gardes ça chèrement maintenant, non? À cause de ça. Il y a vraiment des détails. Oui. Lis-nous ça. Je vais commencer pour moi aujourd'hui. Oui. Mais à partir de verset 1. Bon, je vous félicite de ce que, jusqu'en toute chose. Comme on n'a pas la version, il faut c'est mieux de lire à haute voix pour que les gens puissent saisir en suivant dans les versets à eux. Je vous félicite de ce que, jusqu'en toute chose, vous vous souvenez de moi et garder les traditions que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous le sachiez. L'origine de tout homme, c'est le Christ. Et l'origine de la femme, c'est l'homme. Et l'origine du Christ, c'est Dieu. Tout homme qui prie ou prophétise ayant les cheveux ou prophétise. Vas-y doucement, c'est ta soirée, d'accord? Tu as découvert ça. Vas-y doucement, allons-y encore. Vas-y. Tout homme qui prie ou prophétise ayant des cheveux longs, fait affront à sa tête. Oui. Toute femme qui prie ou prophétise le chef découvert. Les cheveux. Le chef découvert, il parle de sa tête. Ok, chef, ok. Ici, c'est la tête. Ok, donc il y a cheveux longs et chef maintenant. C'est la d'abord tête. Pour l'homme qui prie d'abord avec de longs cheveux. Oui. Il fait affront à sa tête. Oui. Et toute femme qui prie ou prophétise le chef découvert fait affront à sa tête. C'est exactement comme si elle était tondue. Si donc une femme se couvre, alors qu'elle se coupe les cheveux. Mais si c'est une honte pour une femme d'avoir les longs cheveux coupés, d'avoir les cheveux coupés ou tendus, qu'elle se couvre. L'homme, lui, ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Quant à la femme, elle est la gloire de l'homme. Ce n'est pas l'homme, en effet, qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme bien sûr, qui a été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Voilà pourquoi la femme doit discipliner sa chevelure à cause de ses anges, à cause des anges. Aussi bien, dans le Seigneur, la femme n'est pas autre que l'homme et l'homme n'est pas autre que la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, ainsi l'homme n'est pas la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Jugez-en par vous-même. Est-il convenable que la femme prie la tête découverte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, tandis que c'est une gloire pour la femme de les porter ainsi, car la chevelure lui a été donnée comme couvre-chef. Voilà. Il est clair, n'est-ce pas, donc, à cette époque, l'homme qui portait en fait, les longs cheveux pour l'homme dénotait l'homosexualité masculine. Et la femme qui s'est tondée la tête dénotait, n'est-ce pas, donc, la chevelure courte pour la femme dénotait l'homosexualité féminine. Alors, au fait, je voulais te séparer, c'est déjà même ça, le point clé. Voilà, quand on a saisi cela, on peut bien comprendre pourquoi c'est l'apôtre Paul va conclure son propos en disant car la chevelure a été donnée pour voile. Alors, le petit détail que je voudrais ajouter, c'est quoi? En fait, ils ont mis une remarque là-bas, ils ont détaillé en bas. La note en bas de la page ajoute à cette époque, les femmes se coiffaient avec des nattes qui entouraient la tête comme un bonnet. C'est la façon de se couvrir la tête dont il est question au verset 3 et au verset 13. Donc les femmes se couvraient la tête, c'était pour pas des nattes. Ils faisaient des nattes qui entouraient, au fait, des nattes qui entouraient toute la tête. Comme le serpent. Sous forme de bonnet. Alors c'est de cette manière dont l'apôtre Paul, c'est de ça que l'apôtre Paul parle. Disons parce que les femmes se tondaient, se coupaient la chevelure à cette époque. Et les hommes également laisser la longue chevelure. C'est pour ça qu'il va dire de prendre la nature à témoin. Déjà, il est clair, la nature nous enseigne assez. Franchement, c'est une honte vraiment pour l'homme de garder la longue chevelure et de garder les longs cheveux. Et c'est une gloire vraiment pour... En fait, il pouvait très bien conclure que la chevelure lui a été donnée pour voile parce que la manière de se couvrir la tête, c'était d'avec ses... nattes-là. D'avoir ces nattes-là qui comme le cheveu était aussi voile, justement. Sous forme de bonnet. Voilà. Et justement parce que la femme se coupait la chevelure et c'était, franchement, c'est pour une soeur, elle paraissait pour une femme de mauvaise vie. Oui. C'est ça que la tu avais la Bible, c'est quand tu étais témoin de Jéhovah. Non. C'est tout récemment que je... Et quand tu étais témoin de Jéhovah, comment vous comprenez 1 Corinthiens 11? Non, justement, c'était pas. Là-bas, les femmes ne se voilent pas. Mais ils expliquent ça comment? C'est exactement, en fait, c'est surtout le verset 15. Voilà, donc même là-bas, ça les piège. Oui. Ça les travaille aussi là-bas comme ça. Non, là-bas, ils disent que c'est clair. L'apôtre Paul a dit que la chevelure lui a été servie comme couvre-chef. Point final. Et puis, depuis le chapitre, verset 3, ils ne disent rien de cela. Verset 3, 4, 5. Je pense que quand l'apôtre Paul parle de se couvrir la tête, il est en train de parler de ces nattes-là. Oui. Il n'est pas en train de parler d'un morceau de tissu ou quoi que ce soit. Oui. Il est en train de parler de ces nattes-là. De ces nattes-là que les femmes se tressaient avec et se couvraient. Qui était sous forme de bonnet, voilà. Bon, mais maintenant, le plus grand homme de tout le temps, le livre le plus grand homme de tout le temps, là. Pourquoi Jésus qui est là-bas a les longs cheveux? Pourtant, il a des reprochés ça ici. Ça l'est, regarde, c'est pas moi, toi. Mais c'est pas toi qui enseignais ça aux gens. En fait, moi, je mentis au propos de l'apôtre de Paul. Lui, il a dit que c'est une honte pour l'homme de garder les longs cheveux. Donc, ça veut dire que c'est un faux Jésus, là, qui est dans le plus grand homme de tout le temps, là. Eux seuls, ils savent où ont vu Jésus, moi, je... Ok, merci. Que Dieu te bénisse. Des questions? Oui, mon cher. Vas-y. Mes questions ont trait avec ce que nous avons fait en Godi le 25, en fait, sur jeûne et enjeu et prophétie biblique. Bon, je suis entré là dans le livre d'Exode. Exode chapitre 20, le verset 12. Exode chapitre 20, le verset 12, il est écrit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Bon, déjà, je vois un commandement et une bénédiction qui suit après. L'une des questions à laquelle je suis posé, c'est « Comment est-ce que moi je peux savoir si j'honore Dieu ?» Puisque je fais référence à ma personne. La Bible dit Dieu est le père des orphelins. Moi, en étant un, je fais revenir la chose sur moi. Même quand tu auras 45 ans, tu vas dire tu es orphelin, non? Oui. Mm-hmm. Continue comme ça. Bon, maintenant, je... Passo, je quitte ici. Ton papa est encore vivant. Hein? Papa, c'est, il est orphelin. C'est clair, frère. Frère, ton papa est orphelin. Ton papa est là. Ma Véro, ton père est là. Même Maman Véro est son père. Maman Véro est orphelin. Quels sont ceux qui sont les orphelins ici? Voilà. Donc, même le président pour le bien, lui, il est orphelin. Je continue donc dans Deutéronome chapitre 5, le verset 16. Oui. Il est écrit encore là: honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné. Maintenant, il y a un paramètre qui m'est donné ici, afin que tu sois heureux. Bon, j'essaie déjà que lorsque le Seigneur a donné ce commandement à ceux à qui il a donné la promesse d'entrer dans le royaume, dans le pays qu'il les a promis, c'était pour qu'ils jouissent du bonheur dans ce pays-là. Bon, je fais une analyse sur moi. Je regarde un peu tout ce qui m'arrive. Je me dis, bon, la caractéristique heureux n'est pas vraiment mon partage. Et je viens ici dans Deutéronome 27. Deutéronome chapitre 27, verset 16, il est écrit: maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Je note encore ici que celui qui n'honore pas ses parents, celui qui méprise ses parents, est maudit. La malédiction, cette malédiction vient de Dieu. Ok, je me pose donc la question: Dieu peut-il maudire celui-là, par exemple, qui a été qui n'a pas eu cette parole à l'avance et qui a agi mal envers ses parents? Dieu peut-il le maudire et ôter la malédiction après? Ça, c'est combien de questions? Ça, c'est une question concernant d'abord le premier cas. On va résumer. Le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est au niveau de la malédiction. Non, je voulais dire, au nom de ton père, tu avais des Ésaü 22 que tu as parlé. Oui. Et puis dans Deutéronome 4, 16. Oui. Qu'est-ce que tu veux savoir tout autour? Ok. Tout autour, il y a la caractéristique heureux et la caractéristique maudit. Appliqué à toi, qu'est-ce que ça donne? Bon, appliqué à moi, je pose déjà la question: si Dieu peut me maudire et ôter la malédiction. Quand il avait dit que l'enfant honore son père ou bien sa mère. Il avait dit ça, oui, que si tu ne fais pas, si tu fais ça, tu seras heureux, non? Oui. Donc maintenant, on va regarder la preuve, le premier volet. Oui. Avant de regarder le deuxième volet, parce que le deuxième volet, c'est la bénédiction. Oui. Le premier volet, c'est ce que tu dois faire. Tu honores ton père et ta mère. Comment ça va? Bon, déjà, quand tu me dis tu honores ton père et ta mère, strictement parlant, je me réfère déjà à Dieu premièrement. C'est pas Satan qui a dit ça. Je ne peux pas honorer ceux qui m'entourent si je ne connais même pas déjà comment honorer Dieu. Bon, tu pensais quand Dieu lui a dit ça, quand il disait que enfin, honore ton père et ta mère, cela il comprenait. Je crois. Toi, ils n'avaient pas le bac. C'était ceux qui croyaient ça, tu as le bac, c'est. Oui. Donc, ceux qui croyaient le sable comprend, ça veut dire honore ton père et ta mère. Oui. Pourquoi tu as fait le bac, tu ne connais pas ce que tu as dit honoré? Et eux, ils ne fréquentaient pas pour entendre ceci. Puisqu'on ajoute encore selon le Seigneur. Ok, maintenant, selon le Seigneur, c'est encore très grave. Donc, oui. Ça veut dire que la justice d'honorer, c'est comme Dieu veut. Donc, tu ne sais pas comment Dieu veut qu'on honore son père. Non. Tu ne connais pas. Je ne connais pas, frère. Et par conséquent, donc, tu dis que le caractéristique heureux et bonheur ne s'attache pas à toi. Comme tu ne connais pas directement, c'est automatique. Est-ce que tu les dis ou non? Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. Puisque je vois déjà la caractéristique heureux qui ne s'attache déjà pas à moi. À toi. Donc, alors je viens sur maudit. Oui. Je sais que la malédiction attire forcément le chagrin. Je me dis tout de suite. Si, comme par exemple, si c'est le chagrin qui fait mon partage, alors certainement j'ai fauté. Comme par exemple pour Job, par exemple, quoi. Comme il avait le chagrin, il avait fauté. Non, je reste dans le cadre parental. Job, ce sont ses frères. C'est toi qui le dis. Job a reçu le témoignage de Dieu qu'il est intègre et droit. Dieu lui a dit ça. Hein? non, ça c'est ce que nous avons dans la parole. Qu'est-ce que toi tu as reçu du témoignage? Moi quand je attends, suis bien la question que je pose. Ne sois pas prompt à parler. Les questions que je pose sont des réponses à ta question. Oui. C'est toi qui dis que Job a été dit qu'il est intègre et droit. C'est détenant du mal. Dieu lui a dit ça, que toi tu es intègre et droit. Il lui a dit ça. Non. Ça c'est le compte rendu de sa vie. Tu penses que quand lui traversait là-bas, c'est ses épreuves, quelqu'un venait lui dire que c'est Dieu qui a le bloqué? Non. Et justement, les gens venaient dire que c'est peut-être parce que as-tu déjà vu un jour où il a délaissé le juste, sonde dans tes lointains passés, c'est parce que peut-être tu as fait du mal. Tu vois le problème? Oui. Ok, donc maintenant, tu dis que Job, lui, était intègre et juste. Qu'est-ce qu'il aussi écrit de toi? Qu'est-ce qu'il écrit de toi devant le Seigneur? Je suis son fils. Il pensait que tu n'étais pas son fils, que là. Donc il a dit donne malédiction sur ses enfants. C'est la question que je pose. Est-ce que Dieu peut maudire et ôter la malédiction? La question que j'ai parlé, c'est sur ses fils, il peut maudire. Voilà, exactement, c'est la question en fait. Est-ce que Dieu peut maudire son enfant et ôter la malédiction? Non, il pose la question, tu me poses la même question. Non, il te pose la question, est-ce qu'il peut maudire son fils? Est-ce que Dieu peut maudire son fils? Oui ou non, la réponse c'est soit oui, soit non. Si tu ne connais pas, tu ne dis pas. Et puis on ne va pas dans les scènes des Écritures. Je ne connais pas, frère. Qui peut répondre à la question? Dieu peut-il maudire son fils? Oui, docteur en théologie. C'est pas des faits, frère. Quand je parle le cas de Isaac et Jacob et Esaü, mais d'autres que Jacob pouvait faire comme pour qu'il mette la malédiction là. Et là, comment était limite? Donc, en conclusion, la question que j'ai posée dans la réponse, c'est quoi? Non. Que quoi? Dieu ne peut pas maudire. Deutéronome chapitre 28. Vous savez, je vous pousse à bout comme ça pour que vous sortiez ce qui est de vous, pour que vous confrontez à chaque fois la parole. D'accord? Si vous posez la question, vous savez que c'est quoi, il vous donne directement, ça ne vous servira pas. Il faut que pousse votre réflexion jusqu'au bout pour que vous confrontez la parole à la parole. Quand il va lire, vous posez la question, d'accord? Deutéronome 28. Regardez, je vais lire à partir du. Ça, c'est quel livre encore ici là? Bon. Regardons ici. Je vais dire à partir du verset 15, regardez. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, d'ailleurs, le tu-ci, aimé pour qui? Pour moi qui l'ai. Eh, mes chers, à son peuple. Allons dans le livre des. Gardez le doigt ici, ouvre-moi le livre d'Osée. D'abord, il faut qu'on regarde de quoi il est question, d'accord? Osée, rapidement, et puis on revient ici. Gardez les trônes entre vos mains. Chapitre 11, verset 1, qu'est-ce que ça dit? Écoutez tout attentivement. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Donc, Israël appelait quoi? Son fils. Ok, donc rentrons dans Deutéronome. Donc, dans Deutéronome, chapitre 28, verset 15, il s'adresse à qui? Il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel. Donc, c'est-à-dire quoi? Ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes quoi, frère? Toi, lis. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. 1. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Oui. 2. Ta corbeille et ta cruche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Oui. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace. Il dit à qui comme ça? À son peuple. À son? Ses enfants. C'est-à-dire quoi? Pour être plus clair par rapport à la terminologie. À ses fils. Donc Dieu envoie la malédiction sur ses fils. Chapitre 30 de Deutéronome. Chapitre 30, lis à partir du verset 1. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu ramènera les captifs et aura compassion de toi. Donc tu m'as posé la question, est-ce que Dieu peut donner la malédiction de qui est ôté? Qu'est-ce qu'on remarque déjà? On remarque que oui, Dieu peut donner et ôter la malédiction. En effet, la Bible déclare que celui qui tue, il donne la vie. Il donne la prospérité, il donne l'adversité, il crée celui qui persécute, il crée même le... Allons-y dans le chapitre 24 de Josué, allons-y ici, toi. Josué, c'est le livre qui vient tout juste après. Je vais lire à partir du verset 14, d'accord? Josué chapitre 24, partie verset 14, et puis là je vais m'arrêter. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou le dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitent ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, écoutez bien maintenant, vous êtes prêts? Il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Fin de citation. Des questions? Oui. Attends, c'est fini ici. J'ai encore une d'autres questions. Bon, c'est vrai, on va alterner le temps que tu joues bien tes questions pour des malédictions et malédictions. Oui, mon cher. Frère, je voulais prendre Matthieu 5, oui. Verset 19, pardon. Mm-hmm. On dit, je vais commencer au verset 19. Maintenant, quand tu prends comme ça, les gens ne sont pas encore dans le verset. Tu dis Matthieu chapitre 5, verset 19. Tu me demandes comment, frère Junior, c'est comment, tu as quelle taille, le temps que les gens ouvrent Matthieu chapitre 5. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Vous savez que mon garçon dit à la maison que papa, tout le monde qui vient à la maison te dépasse en taille. Comme papa, toi, tout le monde te dépasse. Il dit, c'est mon niveau que Dieu m'a donné. Quand il va grandir, il va savoir que lui-même me dépasse. Il va dire que papa, il va te dépasser. Il dit, ok, dépasse-moi partout. Allons-y, Matthieu chapitre 5, vous y êtes maintenant. Vous savez, j'ai mes petites histoires, je vous raconte comme ça pour vous mettre à l'aise. Comme ça, le sommet n'est pas problème. Verset 19, oui. Bon, je commence au verset 17. Maintenant, tu vois que la promesse, tu vois que tout à l'heure, là, tu avais dit verset 19. Le temps qu'il raconte mes choses, tu dis, maintenant, c'est verset 17. Allons-y donc. On dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Oui. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Oui. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'air. Oui. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Mm-hmm. Maintenant, il est dit, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. La question que je voulais poser, c'est la comparaison qui est faite ici par rapport à ce qui a été dit au verset 17 et 18. Je ne la comprends pas bien. Parce qu'on dit celui qui supprimera, c'est lui qui sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Relativement à ce qui a été dit avant. Non, lis bien, c'est ce qu'on a dit. C'est qu'on dit, le résultat se trouve là-bas. Allons-y. On dit, verset 19. Oui. Celui donc, oui, qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, mm-hmm, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Oui. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 23. Vous avez des bonnes questions ce soir-ci, c'est parce que vous avez mangé. Mais c'est le jeune donc qui vous a inspiré alors. Verset 1, mon cher, écoutez très attentivement. Alors, Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Mmh. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Stop. Acte chapitre 15. Mais quand vous lisez, vous quittez le passage, gardez à l'esprit ce que vous avez lu là-bas, parce que c'est avec ça qu'on va construire maintenant. Donc, les scribes, c'est Jésus qui parle. Il dit, les scribes et les pharisiens sont assis sur la chaise de Moïse. Sur la chaise de Moïse, mon frère. Il y a la chaise de Moïse quelque part à Jérusalem. Donc, il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaise, quoi, de Moïse. Puis, donne un ordre. Qui parle? Il dit quoi? Faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas les œuvres. Ok, chapitre 15. Vous y êtes dans l'Acte des Apôtres. Verset 1, mon cher. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir... C'est bon, ils vont traverser. Allons verser, c'est alors... Alors, quelques-uns du parti des pharisiens... Stop. Nous avons vu exactement de quelle personnalité ou bien de quel groupe sont ceux dont on va parler ici. Mm-hmm. Dans Matthieu 23, on a dit, Jésus a dit de sa bouche, les scribes et... Les pharisiens sont assis dans la chaise de Moïse. Faites donc ce qui vous dites, mais ne faites pas selon leur. Continuons ici, verset 5 donc. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Stop. D'après Matthieu 23, hein, on doit le faire parce que les pharisiens l'ont dit. Qu'est-ce que tu en dis, mon frère? Jésus avait dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaise de Moïse. Faites ce dont ils vous disent. C'est pas ce qui est écrit. Qui sont ceux qui sont ici? Qui sont ceux qui sont là? Les pharisiens. Mais les chrétiens les ont résistés. On dit clairement, ça a créé le trou, pas vrai? La question c'est, de quoi est-ce que Jésus Christ disait? Gardez-vous à l'esprit de Matthieu chapitre 5, verset 17 et 19 qu'il en a parlé. Il dit, si quelqu'un, il ne sera pas ôté un seul iota, il n'est pas venu pour abolir la loi. Il dit que tant que le ciel et la terre subsistera, il ne sera pas ôté un seul iota. J'arrive avec lui-même encore. Et puis maintenant, il dit, si quelqu'un supprime un seul et qu'il enseigne aux gens de faire même, il sera appelé le plus petit. Et celui qui observe et enseigne aux gens d'observer sera appelé le plus grand. Ok, voici les pharisiens. Qui demandait même qu'on observe plutôt. N'est-ce pas, mes frères? Quelle est la raison pour laquelle, un, les apôtres ont refusé énergiquement qu'ils n'observent pas? Parce que Jésus a d'abord dit clairement là-bas qu'ils sont assis dans la chair de Moïse. Et là, maintenant, ils en disent, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pourrez être sauvés. Donc, il faut que vous tous les païens la circoncisiez. Les gars ont dit, jamais ils ne se circoncisent pas. Pourtant, Jésus leur avait dit, faites ce qui vous disent, mais ne vivent pas selon eux. Qu'est-ce que vous en dites à l'homme maintenant? Ça c'est un. Clairement dit dans ce passage de Matthieu. Oui. Qu'il est venu non pour abolir mais pour accomplir. Oui. S'agissant du rite de Moïse, oui. Il a accompli en sa personne qu'est-ce qu'il ne fallait plus se faire du conseil. Oui, mais là maintenant on se trouve dans un problème. Il a fait accomplir et il sait que les pharisiens et les scribes sont assis dans la chaire de Moïse. Donc il prêche Moïse. Et ça s'assoit dans la chair de Moïse. Il croit en Moïse, il prêche seulement Moïse. C'est ce qu'il a dit, ça s'assoit dans la chair de Moïse. C'est pas que Moïse a une chaise où il s'assoit là-bas, où ils ont entré dans la peau de Moïse. N'est-ce pas? Mais quand il leur dit que quand ils vont dire quelque chose, ils s'attendent à ce que cela va prêcher qui? Moïse. Je me suis. Les pharisiens prêchaient quelque chose. Jésus dit que tout est accompli. Donc c'est que Moïse envoyait, enseignait et accompli en lui. Mais c'est lui qui dit, faites ce que les pharisiens vous disent et les scribes vous disent, mais n'agissez pas comme eux. Faites ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas comme eux. Sachant que les pharisiens enseignent Moïse. Il dit à ses disciples de faire ce que les pharisiens et les scribes disent. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que le Seigneur dit? Ça c'est un. Exode 20, allons-y encore. Il pense que tu voulais parler. Oui, la suite, au verset 4. Oui. Il dit, En fait, parlant des œuvres qu'ils sont en train de Non, pour les œuvres, c'est autre chose. Il y a l'enseignement et les œuvres. Oui, et le Seigneur Jésus va expliquer pourquoi. Oui. À partir du verset 4. Oui. Il dit, il lit les fardeaux pesants. Oui. Il les met sur les épaules des hommes. Oui. Mais ils ne veulent pas les remettre. Ça, ce sont les œuvres. Oui. Mais pour l'enseignement, il a dit que faites. Faites ce qu'ils vous disent. Donc les œuvres, c'est autre chose. On a trouvé l'autre au temple qui disait que non, je ne suis pas comme un pêcheur, celui-ci là, il donne mes dîmes deux fois par semaine, il vient deux fois par semaine au là-bas. Là, c'est les œuvres de la vie. Là, il parlait des faits, ce qu'ils vous disent. C'est parce que les prêtres disent aujourd'hui, fais ce qu'ils vous disent, ne fais pas ce que je fais. C'est là-bas. Il montre clairement qui sont les phares. Pharisiens. Simple. Ok. Donc, Exode chapitre 20. À partir du verset 1, prenons. Quand vous allez lire jusqu'à un niveau, vous devez vous demander de stop. On va encore voir aussi cela. Allons-y. Gardez-vous à l'esprit une fois de plus. Matthieu chapitre 5, verset 17 à 19. Celui qui observera et qui enseignera à observer est plus grand. Celui qui supprimera et qui enseignera à supprimer. Et il a dit, dans la loi de Dieu, il est impossible. On ne peut même pas supprimer un seul iota. N'est-ce pas? Allons-y ici. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne sera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos. Écoutez. Pour le sanctifier. Écoutez, écoutez. Nous appelons ça les dix commandements. Demain. Parce que le quatrième, on est en train de toucher là maintenant. Il dit quoi? Souviens-toi. Du jour du repos. Pour le sanctifier. Voilà. Ça, c'est un. Continuons, verset suivant. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos. Stoppons d'abord. L'Éternel. Ok. C'est un commandement, oui ou non? Oui, c'est un commandement. Et d'après ce qu'on a lu dans Matthieu chapitre 5, rien ne doit être ôté. Le septième jour, donc, c'est quoi? C'est quel jour? Vous êtes trop fort. Le septième jour, c'est quel jour? C'est simple. Parmi vous ici, nous sommes où là maintenant? Quand ça? Vous êtes en train de reposer? Non. Vous avez désobéi, oui ou non? Non. Bon, il y a deux voix. Quand il y a deux voix, non, on n'est pas dans la lettre. On ne désobéit pas. Tu es désobéi ou tu n'es pas désobéi. D'après la loi. Parce qu'il a dit que c'est lui qui a lu qu'il n'y a pas un seul iota qui doit quitter de cette terre-là. C'est pas ça, frère. Et il a dit tant que le soleil. Au moins, on a vu le soleil aujourd'hui. Donc, on est sûr qu'on est encore sous le joug. Parce qu'il a dit que si le soleil est là, la loi doit rester. Donc, il y a le soleil. Eh bien, il dit ici. Qu'on se souvienne. Peut-être on est venu même en oubliant que c'était le septième jour. Donc on ne s'est pas souvenu. Et par conséquent, sous ce rapport-là, les adventistes du septième jour observent ça. Ils enseignent aux gens d'observer, ils seront plus grands. N'est-ce pas, mes frères? Non. Oui, sous ce rapport, oui. Sous ce rapport. Alors, de quoi est-ce que Jésus est en train de parler? Parce que voici, je vais être vraiment doucement. D'une part, il dit que tant que le ciel et la terre resteront là, il ne sera pas ôté. Un seul iota, donc même un i ne doit pas être ôté. Il dit, souviens-toi du jour de l'Éternel, enfin, du jour de repos du Seigneur, pour le sanctifier. Puis il dit que tu feras ton ouvrage en six jours, et le septième jour, tu dois te reposer. C'est pas ce qu'il écrit. C'est ça. Là, maintenant, voilà la loi, voilà les dix commandements, les dix paroles. La Bible appelle ça dix paroles. Voilà les dix paroles qui ont été données à Moïse. Maintenant, le quatrième, si vous regardez tous les autres commandements, ça subsiste. N'est-ce pas, frère? Quel est le problème avec ce quatrième commandement? Souvenez-vous, en 1880, a sorti avec Ellen G. White et autres, les amis des gens qui ont sorti, les branches sont sorties là-bas, Tars, Russell est sorti de ces mêmes branches-là. Les Antilles sont sortis de ces mêmes branches-là. Et tous les autres, tous là-bas, 1800. Joseph Smith sont sortis tous là-bas. Subitement, en 1800, les groupes sortent. Charles Taze sort. Ici, les Millénaires sortent maintenant. Ici, LNG White sort. Ici, Joseph Smith sort maintenant, comme était le premier prophète des saints des derniers jours. Alors, je pose la question. Les artistes étaient un jour sort en montant depuis la Genèse méticuleusement qu'on doit respecter le sabbat. Le premier à désobéir au sabbat, c'est qui? On a un problème là, n'est-ce pas? Donc la personne, vous avez remarqué qu'il faisait beaucoup de ces miracles tout le jour de sabbat. Donc si on le place là, en assemblée, et le juif qui sont assis là chez de Moïse, eux ils ont raison, Jésus a tort. Absolument. Sur le rapport de la parole. Pas ça, frère. N'aie pas peur que Joseph va vous gifler. Si on place sous le rapport, ils avaient raison de dire à ce monsieur-là, les gens chapitre 5, oui, même comme tu as été guéri, il n'était pas permis de prendre ton lit. C'est Dieu qui avait dit. Vous voyez? Ah, il y a 6 jours dans la semaine. Venez vous faire guérir ces jours-là. Et Jésus-Christ attend 2 jours de sabbat. Il est tout là-bas dedans. Il dit, est-il permis de faire le bien ou le mal le jour du sabbat? L'autre commandement, il n'aurait pas donné. Il ne revient pas, il avait seulement dit que reposez-vous. Sans dire si vous faites du bien ce jour-là ou pas. Il a posé maintenant la question, vous faites du bien? Vous voyez, il étend la main, la personne il s'arrête, il met la main, la personne, il se fâche, il dit que le gars ne veut pas le sabbat, mais on ne peut pas l'attraper. La question c'est, sous le rapport de l'esprit, Jésus, est-ce qu'il péchait contre le sabbat? Ok. Sur le rapport de la parole, il était coupable, pas vrai? La question maintenant c'est que, qu'est-ce que le sabbat a donné de dire? Que signifie donc le quatrième commandement? Souviens-toi du jour de repos du Seigneur, car il a fait le travail en 6 jours et puis il s'est reposé le 7e jour. Et le verset suivant continue en disant clairement que tu ne donnes pas, que ce soit même ton bœuf chez toi, ni ta servante, ni quoi, personne, on vous ne ferait aucune nouvelle servie, n'est-ce pas? On dit qu'en 6 jours, il a tout créé et puis, quand tu as estimé là au sol, et par conséquent, je pose la question, de quoi est-ce qu'il a donné de parler? Quand il se tient, il avait dit, il vous a été dit dans ce même chapitre 5 là, mais moi je vous dis, qu'est-ce qu'il en a de fait? Il a dit que on n'ôte pas un seul iota. Lui, au fait quoi, frère? Il part d'un sacerdoce à un autre. Jean chapitre 8. Notez Jean chapitre 8 et vous mettez en relation avec Deutéronome 22. C'est parce que papa soit une maison, on devait dire que lui mieux commence à applaudir pour lui-même. Bon, papa soit applaudi pour toi-même. T'as mis ma Bible comme ça. Voilà. Vous voyez ce bout de phrase. Ça, c'est important et capital. Et le simple fait que beaucoup de personnes n'ont pas entendu, n'ont pas saisi ceci, sont embrouillées. C'est donc pour cela que vous allez voir, écoutez très attentivement maintenant, toute votre attention. Vous allez voir donc, un adventiste, c'est un jour, va s'asseoir devant toi. Explique le sabbat, jusqu'à ce que tu vas douter de ta foi. Il t'explique le sabbat, vous avez vu, c'est simple. Si on va en enfer parce qu'on a volé le sabbat, je suis sûr qu'il va trouver Jésus lui-même là-bas. Parce qu'il faisait ses œuvres le jour du sabbat. Maintenant, regardez le bout de phrase. Parce qu'on quittait quoi? Un sacerdoce à un autre. C'est la seule chose qu'il a fallu depuis 1800 pour que les gens la comprennent, pour ne pas aller en dérive. Parce que la révélation des Saintes Écritures, c'est que ces sacerdoces-là étaient pour une époque de réformation. Donc, ça doit être réformé. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a des choses dans cette chose, dans cette sacerdoce qui signifiait et annonçait un nouveau sacerdoce. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous prenez maintenant un sacrificateur sous la nouvelle alliance. Non, on est sacrificateur. Donne-moi ta dîme, je mange. Oh, tu es sacrificateur. Oui, quoi? Parce que sous Aaron, les sacrificateurs, on a donné la dîme. Ok, c'est bon. Les sacrificateurs épousaient les vierges. Ta femme était vierge. Bam. Ça veut dire que ça l'arrête. Vous voyez? L'ancien sacerdoce. Vous voyez le problème, n'est-ce pas, mes chers sœurs? Ah non, je suis sacrificateur, c'est sacrificateur. Ton père est moitié allé, n'est-ce pas? Ta fille est moitié allée, n'est-ce pas? Tu as coupé tes cheveux, moi. On ne devait pas le faire. Il ne devait pas se souiller pour un mort, n'est-ce pas, mes chers? Amen. Il ne devait pas goûter le vin, mais c'est eux qui ont le premier place dans les synagogues pour boire le vin. Et on dit clairement que dans le Lévitique, je peux te dire qu'il ne doit pas boire ces alcools lorsqu'il porte des vêtements sacrés pour qu'il enseigne aux autres ce qui a distingué ce qui est pur de ce qui est impur. Mais ils vont entrer là-bas, prendre seulement la partie des dîmes et des offrandes, que donne-moi ta dîme parce qu'ils sont sacrificateurs. Vous voyez, il ne respecte pas les clauses de la sacrificature. Parce qu'il ne peut pas respecter. Mais il part là-bas prendre ce qui est de son intérêt. Ce bout de phrase, le sacerdoce était sur le point d'échanger. Il a annoncé un nouveau sacerdoce. Voilà le résumé de tout ce qu'on va faire tout à l'heure. Voilà le résumé. un sacerdoce annonçait un autre. C'est ce que Melchizedek est venu devant Abraham pour qu'Abraham fait. Pour Lévi se prosterne devant de lui pour donner que je vais te transmettre le sacerdoce. Il était encore dans les seins de son, dans les reins de son père Abraham quand Melchizedek allait au devant de lui. Vous avez vu ça dans Hébreux chapitre 7. Et au verset 11 à 18, on dit clairement que le sacerdoce étant changé, le sacerdoce étant, on n'a pas dit que la loi de Dieu a changé, gardez-vous à l'esprit. On n'a pas dit que la loi de Dieu a changé, le sacerdoce. Donc ça dit que si le sacerdoce a changé, tous les rituels concernant ce sacerdoce a changé. C'est aussi simple que possible, y compris les dîmes, parce que les dîmes contenues sont contenues. Les offrandes seront la nouvelle action. C'est pour ça que dans l'action à grâce, alors je crois qu'il va vivre la main, vous avez pris la main. C'est pour ça que les actions de grâce, selon la lancée, alors vous allez lire l'ancien, alors vous allez voir comment on va dire. Tu apportes un ancien de grâce, on agite à gauche, on agite à droite. Vous allez dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, vous ne verrez aucune trace de cette type d'action de grâce. Pourquoi? Le sacerdoce a changé. Simple. Le sacerdoce a changé. Ah, on a mêlé les offrandes pour la construction du temple. Le sacerdoce a changé. L'ancien alliance avait besoin d'un temple, des rituels, des sacrificateurs et puis des sacrifices pour donner là-bas. Aujourd'hui, le temple, c'est nous. Le sacrifice, c'est nous. Vous voyez ça, n'est-ce pas, frère? Le temple, c'est nous. Le sacrifice, c'est nous. Offrons vos membres comme des sacrifices. Donc, c'est les signes des sacrifices qui sont agréables à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Or, ici, on parle d'un agréable au Dieu devant l'Éternel. Parce qu'en réalité, ce qu'on offrait, on brûlait là-bas, c'était la représentation de cette personne qui devait mourir. Vous comprenez? Parce que cette offrande-là prenait ta place devant le Seigneur. Donc ça présageait que les personnes pour qui offrent un culte raisonnable au Seigneur, c'est leur vie qui devait être mise sur l'autel. Et il ne veut pas avoir l'autel dressé sans être inauguré par le sang. Et là maintenant, l'introduction d'une alliance le plus meilleure, plus excellente que les anciens, devait être sur le, par le sang du Seigneur Jésus. Maintenant comme c'est offert, on peut donc maintenant offrir des victimes spirituelles. Vous avez vu le mot comme le Nouveau Testament explique, victime spirituelle. Dans le bout du français, le sacerdoce comme ça était en train d'être changé. Donc il annonçait le changement. Maintenant, dans ces gens, je ne sais plus de vous avez noté, j'ai dit noter en parallèle de Deutéronome 22. Je crois que j'ai cité ça plusieurs fois. Deutéronome 22, le verset 22. Dans ces gens, je ne sais plus de 8, il est question des juifs qui vont prendre une femme en flagrant délit d'adultère. N'est-ce pas? Lorsque le code pénal parle de la flagrance, ça suppose qu'on t'attrape sur les faits. Ces gens qui viennent trouver le Seigneur Jésus disent « Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. » Mais ce qui est curieux, c'est que devant l'assemblée de culpabilité, il n'y a que la femme. Pourtant, on parle de flagrance délit. Quand on dit flagrance délit, ça se voit qu'on t'a pris la main dans le sang. Elle était sur le lit en train de commettre adultère, seul frère. La question c'est « Où est l'homme avec qui est commetté adultère ?» On l'a lâché. Sur ce rapport, ils sont déjà contre la loi de Moïse. Maintenant, dans Deutéronome chapitre 22, et dans ce Jean chapitre 8, ils disent à Jésus, et Moïse nous a ordonné. Vous voyez pourquoi Jésus dit qu'on s'est assis dans la voie de Moïse. Et Moïse nous a ordonné de lapider de telle femme. Si vous lisez votre Deutéronome chapitre 22, verset 22, c'est pas ce qui est écrit. Il dit dans ce Deutéronome 22, 22, que si on trouve une femme mariée, couchée avec un homme, si on les trouve, donc ça veut dire que si on les prend en flagrant délit, on les prend. Il dit qu'ils seront tous deux, comme ça, tous de punis des morts pour qu'on puisse ôter comme ça le mal du milieu d'Israël. Voilà ce que Moïse a dit. Il tronque ce que Moïse. C'est pour ça que Moïse doit les juger. C'est pour ça que Moïse va les juger. Vous savez, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, d'après cela, en fait, même s'il présentait seulement cette femme-là, on en principe, on devait la lapider d'après la loi. Et puis, chercher le monsieur-là aussi, le lapider. Parce que c'est lui qui a commis l'adultère avec elle. Maintenant, Jésus dit, si parmi vous qui n'a pas commis le péché, jetez la première pierre. Ainsi, ils ont posé clairement la question à Jésus. Le sacerdoce Moïse dit ceci. Ton sacerdoce, qu'est-ce que ça dit? Vous voyez, c'est ce que ça signifie. Si vous avez compris le langage du prophète Papa Soa. Il dit, Moïse nous a ordonné. Donc, le sacerdoce sous Moïse dit qu'on lapide de tes femmes. Tu n'as pas de sacerdoce, qu'est-ce que tu dis? Tout ce qu'il faisait, c'était de pousser Jésus à bout pour qu'il fasse les fautes d'après la loi de Moïse, pour qu'on le lapide, c'est tout. Et il n'a jamais fait la faute, mais il disait toujours ce que Moïse a dit de façon amplifiée, toujours. Dans le chapitre 7 même livre des Jean, au verset 19, il va leur dire que Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et puis il donne cette rigueur, cette rigoureuse sanction. Il dit, et nul de vous n'observe la loi. Vous entendez ce qu'il dit? Moïse ne s'est pas donné la loi. Ça veut dire qu'en réalité, il lisait la loi, il ne pratiquait pas. Ça, lui, souvenez-vous, il est Dieu. Donc le jour où ils vont se tenir devant le trône, il va leur dire, parce qu'il leur avait déjà dit sur la terre, que si quelqu'un rejette ma parole, il a son juge. Sur la terre, je vous avais dit, Moïse, vous avez prescrit la loi. Moïse, tu reconnais que tu leur avais dit que si on attrape une femme et un homme, on lapide la femme. Moïse dit que où ça est? Deutéronome 22, 22. On va leur demander, où est l'homme? Toute bouche sera fermée. Donc il ne juge pas selon la justice. Il avait déjà dit dans le livre d'Exode, au chapitre 23, que quand vous allez juger, vous n'aurez jamais d'égard pour personne, même pour la personne des pauvres. Ça veut dire que si le pauvre est le juge, tu ne dois pas prendre le, quoi, et le riche, tu ne dois pas prendre la richesse du riche et pour condamner le pauvre. Si le pauvre est coupable, tu dois le condamner. Tu ne dois pas avoir pitié de lui parce qu'il est pauvre. C'est ça la justice. Mais c'est ses frères. Notez le livre de Daniel, chapitre 12, verset 1 à 4. Concernant la question qu'il a posée là-bas. Donc ne pensez pas que si on supprime le commandement et on observe les gens, observent comme ça là, tu vas entrer, ça veut dire que dans le royaume des cieux tu vas entrer, c'est pas ce que ça veut dire. Parce que je vous vois venir, qu'au royaume des cieux tu vas quand même être là, mais dans la petite rangée, c'est pas ce que la Bible déclare. Vous enseignez l'erreur, l'esprit de l'erreur vous conduit, l'esprit de l'erreur n'envoie pas les gens au ciel. L'esprit de l'erreur n'envoie pas les gens au ciel. Donc j'ai compris sa question de punition de tourner tout rond. Donc la question en réalité c'est que bon, même si on supprime, on sera quand même au ciel. Donc je supprime le commandement de Dieu. Je suis quand même au ciel et j'enseigne aux gens d'assurer comme ça là. L'esprit de l'erreur. Il a dit, ceux qui sont de la vérité nous entendent, nous écoutent. C'est par là qu'on reconnaît l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. L'esprit de la vérité conduit les gens dans la vérité, sur le chemin. Et bon, si l'esprit de la vérité conduit les gens sur le chemin, parce que le chemin est en même temps la vérité. Et ce chemin-là qui est la vérité en même temps la vie. L'esprit de l'erreur ne peut pas conduire les gens dans la vie. D'accord, frère? Ça veut dire que le verdict du royaume des cieux, ce serait que celui-ci est le plus petit. D'accord, frère? Des questions? J'aurais souhaité entrer encore en détail dans ces choses-ci. Oui, frère. Je voudrais qu'on ouvre le livre de Luc au chapitre 15. Oui, bon, c'est l'histoire de l'enfant qui a quitté son père, qui a demandé ses biens. Bon, je me suis plus intéressé au verset 17 et 18. Déjà quand je méditais, je suis arrivé là au verset 17, il est écrit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Ici, je comprends que cet enfant éprouve du regret de l'acte qu'il a commis en quittant son père et en prenant les biens qu'il a pris. Bon, maintenant, au verset 18, il dit, je me lèverai. Je me suis d'abord arrêté là pendant ma méditation. Je me posais la question que franchement, ici, on se moque de qui? Est-ce que c'est de moi qu'on est en train de se moquer? Donc, parle comme ça de toi. Puisqu'il essaie de ramener la situation à moi. Oui. Ok. Il dit que bon, quand il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Il dit que mais, ça c'est même quoi? On parle même à qui? Comme ça, c'est toujours à moi qu'on est en train de parler. Je me lèverai, oui, pour partir où? Je n'ai même pas conscience d'abord d'où je sors. Lui, il a conscience d'où il sort. Il sait exactement quel chemin il va emprunter. Donc pour lui, c'est réglé. Pour toi, tu as une étape qui manque. Voilà. Donc, en plus, il faut que tu prennes conscience de l'où tu sors. Voilà, il y a d'abord ça. Je te mets. Lui, il a conscience d'où il sort. Il connaît le chemin même qu'il va emprunter pour partir vers son père. Moi, je n'ai aucune idée d'où je sors. Je sais même d'abord que je vais emprunter quel chemin. Bon, pendant que je me pose la question, il montre Jésus est le chemin. Je cogite d'abord, je dis, ah oui, Jésus est le chemin. Après, je me dis, mais tout le monde peut dire Jésus est le chemin. Et d'ailleurs, on nous présente beaucoup de Jésus là dehors. D'où je me pose la question. Quels sont les référentiels? Parce que j'ai aussi suivi l'enseignement que le frère a dispensé ici dernièrement où il disait, on ne se moque pas de Dieu. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair, la corruption. Il expliquait que en posant certains actes, en croyant que nous sommes en train de faire pour Dieu, nous sommes plutôt en train de nous moquer de Dieu. Ok, je pose donc la question pour ne pas courir le risque de croire que j'ai emprunté déjà le chemin. Je voudrais savoir, quels sont les référentiels sur lesquels je peux reconforter mon cœur au-delà de toutes les imperfections qui m'animent encore. Quels sont les référentiels sur lesquels je peux m'appuyer pour dire, bon, là, quoi que je ne suis pas encore au standard du Seigneur, j'ai quand même emprunté le chemin. Voici le seul et unique référentiel. Continue dans la méditation. Ok. Des questions? Une mon chat. Dans Luc 5 toujours, verset 25 à 20. Non, là, seulement tu avais dit Matthieu 5. Ah, Matthieu, pardon. Parce que là, si tu dis Luc 5 toujours, c'est comme si la première fois que tu as posé la question, c'est Luc 5. Matthieu 5, pardon. Voilà, allons-y. Matthieu 5, verset 25. Et vous suivez, hein? Vous me suivez, moi-même, je vous suivez. Je suivez dans vos langages. Oui. On dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Comme tu as l'adversaire, frère, comme celui-ci à lui, ça lui a parlé. Tu as un adversaire. Oui, un adversaire. Ok, vas-y alors. Pendant que tu es en chemin. Tu as bien suivi toi. Oui, frère. Voilà. De peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Mm-hmm. Je le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. La question que je voulais poser, c'est que quand je regarde un peu sur la terre, la justice est un peu. Quand tu vas faire un Dikoti, les gens vont marcher sur la justice. Mais la question que je me pose, c'est de quoi est-ce qu'il y a des questions ici là. Il a dit que tu t'accordes avec qui? Avec ton adversaire. Il a dit que résoudre le problème à l'amiable. Ne vais pas à la justice. Parce que quand ça arrive là-bas, tu ne maîtrises plus ce qui se passe. Tu as raison de dire la justice est comme ça. Juste que je dis que comme la justice des hommes n'est pas possible pour vous. Accorde-toi promptement avec lui, avant qu'on mange. Donc, essaie de faire tout et tout pour résoudre le problème. Mais pourtant, le Seigneur, lorsqu'il dit ces choses, il dit à ses disciples d'enseigner cela, d'enseigner ce qu'il a enseigné à ses disciples. Il dit à ses disciples maintenant d'expliquer ces choses-là. D'accord? Maintenant, et là-bas, il est question de cadre, de dette. N'est-ce pas, mon cher? Romains chapitre 13, verset 8, il dit quoi? Ne devait rien à personne. Donc, comme tu comprends comme ça là, que c'est dangereux dans la justice, ne prête pas. Si elle n'aime pas quoi, compte sur le Seigneur. Vous voyez, parce que tu sais que si tu ne t'accordes pas avec lui, il dit rechercher la paix avec tous les sentiments sans lequel nous ne verrons au Seigneur. Maintenant, si c'est quelqu'un qui dit tu vas me donner mon argent aujourd'hui, si c'est un mondain, tu dis pardon, il dit pardon, je mange ça, mes enfants meurent de faim, voilà, on me chasse de l'eau, je mange ça, donne-moi mon argent, tu seras supplé. Donc, souvenez-vous, ne prêtez pas de l'argent. Prenez même les difficultés qui vous arrivent comme un test pour éprouver votre propre foi. Pour savoir quel est le challenge pour construire la relation avec le Seigneur. Vous voyez, il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont des dettes à gauche, des dettes à droite. Si tu prends l'argent ici, pour rembourser ici, et là-bas, tu es dans le djangui des dettes. C'est une expérience. Si vous êtes dans les dettes, éloignez-vous de cela. Après avoir épuré cela, restez calme devant le Seigneur. S'il y a une difficulté qui arrive, présenter cela au Seigneur. Parce que la Bible déclare dans Philippiens 4, là, verset 6, il dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. On a dit toutes choses. Toutes choses. Faites connaître vos besoins à Dieu, pas de prière. Il y a une sœur qui m'a posé la question que frère, est-ce qu'on peut prier pour recevoir, une femme peut prier pour que son mari vienne. Et pourtant, j'avais dit ici, il y avait dit plusieurs fois dans les enseignements, la Bible, où il n'y a pas quelqu'un, les gens restaient tranquilles. Les femmes restaient, on envoyait les gens les chercher. Aujourd'hui, elle marche même comme ça, là, que, juste parce que. Vois-moi. Juste parce que d'autres se fâchent. Même si voisin, il dit que je dis à vous les hommes là. Vous pensez quand ça vit comme ça dans les tuyaux là. C'est pour venir se décorer. On veut que vous nous voir. Vous voyez, où est l'expression du cœur mauvais et cœur méchant de cette époque-ci. Donc c'est au point où maintenant ça va arriver où vous allez entendre qu'il y aura des décrets même que l'homme et la femme peuvent douter alternativement. Eh bien, maintenant, ces femmes-là qui sont au milieu de nous, comment ça pose la question? Ces choses-là, ça infeste même nos cœurs chrétiens. Parce qu'on est tellement là, on attend le moment, mais ça ne vient pas. On cherche le verset de la Bible. La personne, après avoir lu la Bible, voit que la femme ne demande pas la main de l'homme. Elle dit que, mais je suis bloqué. Je souhaiterais qu'il y ait un verset de lui qui dit que si j'aime ce garçon, il veut dire que mon gars, je te pif. Vous faites ça à un gars. Mais le gars lui-même, s'il t'aimait, il fuit d'abord. Parce qu'il sait que normalement, il doit conquérir son territoire. Alors maintenant, je dis. Il y a une ouverture dans la Bible qui vous donne. La Bible dit dans ces Philippiens justement, il dit que dans tous vos besoins, faites-les connaître à. Si ton besoin c'est le mariage, c'est parce que ce verset-là te dit clairement que c'est ton besoin présent. Parce qu'on n'a pas limité les besoins là-bas. On n'a pas limité les besoins. Mais maintenant, il faut mettre la parenthèse sur ce passage-ci avec un Jean. Si nous savons que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, donc tu prends sa volonté, tu vas là-bas. Si c'est arrimé à sa volonté, demande ton besoin. Donc, quel que soit le cas, ce que nous avons fait sur la terre, il y a des choses glorieuses qui sont en train d'arriver pour nous. Si nous avons, nous saisissons les choses spirituelles, les choses matérielles viendront automatiquement. Et par conséquent, éloignez-vous des dettes. D'accord, mon cher? Autre question, je crois qu'à cette réunion, les chapelets de questions nous finira pas aujourd'hui. Continue quand même. J'ai une question dans Matthieu 34. Matthieu 34, frère. Je vais dire Matthieu 5, verset 34. Ok, maintenant c'est bon. Vous pensez que ça part des livres à Matthieu jusqu'au chapitre 34. Il dit là-bas, mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement. Oui. Ni par le ciel. Oui. Parce que c'est le trône de Dieu. Oui. Ni par la terre, parce que c'est son marchepied. Oui. Ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Et qu'on y ajoute. C'est quand y ajoute, vient du malheur. Bon, il y a beaucoup de questions que je voulais poser. Pose-les. La première question, c'est pourquoi est-ce que le Seigneur place ces choses et demande à l'homme de ne pas jurer sur ces choses? Il place quoi, quelque chose? Il dit ici Jérusalem, ici la terre, ici le ciel. Parce qu'en réalité, on le jugerait comme ça. Parce que dans l'ancien, alors on jurait. Vous allez aller dans la Bible, vous allez voir effectivement que l'Éternel est vivant. Il dit que l'heure arrive où dans cette vie, on ne dirait plus l'Éternel est vivant. Tu vois, je le jure par l'Éternel. Que l'Éternel mettrait dans toute sa rigueur s'il ne fait pas telle chose. Tu as lu ça dans la Bible? Dans cet testament, on dirait. Il a donné le commandement qu'on devait jurer par son nom. Pas vrai? Alors maintenant, ici, il dit que ne jurez pas. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est donc pour cela que je parlais de la, dans ce langage de j'ai béni l'Éternel. J'ai béni Dieu. Un petit béni Dieu, mais vous allez dans l'Ancien Testament, vous allez trouver ça que j'ai béni Dieu. David dit, mon âme bénit l'Éternel, il bénit les vers les yeux et bénit le Dieu des cieux. Ah, c'est le jour que les gens vont comprendre les Saintes Écritures. Donc vous lisez maintenant le Nouveau Testament, vous le voyez, le langage change drastiquement. Vous dites, mais ceux-ci sont les Juifs, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Sinon, comment peux-je jurer ici par l'Éternel? L'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai ni pain ici, ni sinon le pain des propositions. Subitement, on dit que ne jure plus ça. Et dis plus ça. Et Dieu avait dit que tu jureras pas son nom. N'est-ce pas, frère? Il dit clairement que tu jureras pas son nom. Mais ici, il dit qu'il ne jure pas. Parce que jurer dans la ville du grand roi. Ta tête et cheveux, là, tu ne peux pas transformer les cheveux blancs ou autre. Les gens ont dit que oui, on peut transformer. Ils ont mis maintenant les poudres sur ça. Son baranak prend un temps, il met le noir. Il y a même la maman qui met le noir ici, il met le blanc ici. Continuons, des questions? Autre question, parce que tu as dit qu'il y avait plusieurs questions là-bas. La question que vous voulez aussi poser, quand il dit parce que par la terre, parce que c'est son marche-pied. Oui, mais c'est ce que la Bible déclare. La Bible déclare que c'est son marche-pied de Dieu. Mais je vais dire, qu'est-ce que ça veut dire? L'eau, voilà qu'il y a des marchés sur ça. Marche-pied, c'est là où tu poses les pieds. Continuons. Hein, frère? Bon, moi, je te pose aussi une question. Savoir s'il y a un bordé spirituel. Il cherche quoi sur le bordé spirituel? Tu comprends une question ici? Oui, frère, je veux revenir au cas des dettes. Que... Tu dois aux gens, frère. Non, pour moi, il n'y a pas de problème. Hein? Les gens te doivent. Oui, dis-nous. Ok, voilà qu'une personne veut de l'argent. Oui. Et la personne doit le Seigneur. Mm-hmm. Okay. Je constate que la personne ne parvient pas à me rembourser. Oui. Est-ce que si elle vient de la personne, je dis, mon cher, cette dette que tu me dois, laisse tomber. C'est exactement ce qui se passerait dans Luc chapitre 5 si celui-ci s'accorde promptement avec son adversaire. Il n'amènera plus devant le tribunal. Parce que s'il dit ici, la dette, l'argent que tu me devais, il te pardonne, annulons cela. À cet instant, la dette est annulée, même en haut. Ok, merci toi. Bon, tu vas annuler les frères là, pour les frères. Oui, frère. Dès que tu sois ici. Dès que tu sois ici, oui. Faites-le. Amen. Luc chapitre 6, allons-y là-bas. Je vais vous montrer quelque chose. Luc chapitre 6. Vous savez, vous devez régler vos comptes. Mon compte. J'ai pris une dette en 2007, je l'ai payée l'année dernière. En 2007, je l'ai payée l'année dernière, pas pour moi, toujours parce que je vois les gens, j'ai pitié. Si vous allez voir une soeur, elle dit, vous savez, je mets mon nom en jeu. Comme on me connaissait, une fille, vous savez, les gens d'inconsamba. Les gens d'inconsamba, je vous parle. Une fille, vous racontez l'histoire d'un jeune enfant d'inconsamba ici. Une fille. Enfin, quand vous voyez que quelqu'un sort de consommation, acceptez-moi de toute façon. Elle est venue me voir, elle est à l'université. En 2007, j'étais, je crois, en maîtrise. Elle vient me voir parce que je prêche la parole. Elle dit que ma maman va m'envoyer la pension la semaine prochaine. Pardon, prête-moi l'argent. Je le regarde comme ça. Il dit, il prêche la Bible, je n'ai pas l'argent. Il dit, mais tu as ta camarade là qui est chrétien, prête-lui l'argent. Il dit, viens, porte mon nom, s'il te plaît. Cette fille-ci, elle a sa pension qu'elle va payer. Et voilà les compositions qu'elle va. À l'université, vous ne payez pas, vous ne composez pas. Et donc, je mets mon nom en jeu. On donne l'argent. Et bien, il lui donne comme ça. Puis, depuis la semaine là, on n'a jamais envoyé l'argent des pensions d'un consommateur. Vous suivez mon regard bien, n'est-ce pas? Et par conséquent, moi j'avais les dettes là-bas, puisque c'est moi qui suis venu prendre la dette. Il dit que jusqu'aujourd'hui, elle n'a plus jamais fait état. Quand il dit que tu ne peux pas la dette pour cela, il dit qu'elle a déjà trop l'argent, elle dérange. Elle ne peut pas laisser ça à quelqu'un. 50 000 francs que j'ai pris pour donner à quelqu'un comme ça. Là. Moi également, entre temps, depuis des années, j'ai jamais vu 10 000. N'en parlons pas qu'il veut payer 50 000. Mais je suis en arrivé par ce coup pour le cas de ton témoignage. Je vais vous dire quelque chose, ce qu'il en est. Vous pouvez envoyer les versets bibliques, même si je suis coupable, ça ne me fait absolument rien. Et quand je suis coupable, selon vous, encore, c'est très grave. Cette soeur-là, une année, je crois que c'est en 2009, comme ça, elle envoie un message. Je suis sûr qu'elle était dans le besoin. Il dit cette soeur à qui avait pris de l'argent. Parce que devant Dieu, je lui dois de l'argent. Donc, je suis coupable devant elle. Celle-là aussi est coupable devant Dieu. On sait, n'est-ce pas? Donc, on est une série de culpabilités. Elle envoie un message. Quand elle voit le message, elle rit. Parce que dans ce message, elle envoie le psaume qui dit « Les méchants prêtent et ne remboursent pas. » Pour essayer de me culpabiliser. Ça, c'est en 2008. J'ai ri. Je veux seulement que vous saisissez la portée avant qu'on aille dans Luc maintenant. Donc, voici une chrétienne. De toute façon, je n'ai pas pris l'argent pour moi, j'ai pris pour quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas un justificatif pour que je ne rembourse pas son argent. Au lieu de pardonner, m'envoie un verset pour me culpabiliser, pour que je rembourse son argent. Ça, je ne lui ai jamais dit, parce que l'année dernière, c'est même cette année-ci que j'ai payé. Je l'ai appelé quelque part, elle est venue, j'ai sorti de l'argent comme ça, j'ai donné dans l'enveloppe. Elle a regardé comme ça. Elle n'a pas posé la question que c'est quel argent. Nous sommes en 2018, donc je crois que c'est l'année dernière, donc c'est la fin de l'année, donc 2017. Nous, ça fait 10 ans après, elle connaissait que je lui devais de l'argent, 50 000. Quand je lui ai donné, dans une enveloppe, mon épouse était de l'autre côté là-bas, je lui ai donné, j'ai dit merci d'avoir patienté pour mon argent. Il dit, mais vraiment, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Il dit, amen. Luc chapitre 6. Il y a des versets que les gens ne souhaiteraient pas que ça reste dans la Bible. Mais vous allez voir maintenant. Et regardez. On y va. Verset 31. Je vais commencer à partir du verset 31. Regardez. Ou mieux. Prenons à partir du verset 27. On y va doucement. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Il finit de dire comme ça. Des pasteurs organisent des nuits de prière, envoient le feu sur les ennemis. Écrivent les prières stratégiques pour tuer les grands-mères. Après, rentrer loin derrière, dit que, hey, tu ne laisseras pas vivre la mort. Vous allez me finir sur cette terre-ci. Dès qu'il dit ça, ça abroge la première. Parce que la phrase c'est, l'ancien alliance, ou mieux, le sacerdoce était changé. Donc, le sacerdoce a changé. Dans le sacerdoce, vous voyez, quelqu'un dit comme ça, lui-même, le pasteur dit comme ça, sa mère est sorcière. Il dit sa propre mère qu'il a accusée est sorcière, il ne tue pas. Et maintenant, ah mon Dieu, vous allez me faire parler ce soir-ci. Et quand vous lisez dans le livre d'Exode, là, où il dit que tu ne laisseras point vivre la magicienne, aujourd'hui, maintenant, comme ils savent effectivement que si tu vas aller en prison, il dit que tu n'as pas le feu. Tu n'as pas le feu. On va le casser. On casse tout ce que tu donnes. Il est écrit qu'on ne tue pas. On n'a pas dit, on ne tue pas spirituellement. Le verset là, on tue vraiment physiquement. Parce que dans le livre d'un roi, quand Saül va chercher pour aller en guerre, il va regarder par les prophètes. Ça n'a pas donné. L'urim, tourim, ça n'a pas donné. Il va dire chercher moi une femme qui évoque les esprits. Quand elle avait là-bas, la Bible déclare que cette femme a dit que vous savez comment Saül a fait ôter du pays. Tous ceux qui sont. Donc ça veut dire qu'il avait cherché. Celle-ci est marabout, on met le couteau, on tue. Donc, ça dit que ce verset a été appliqué clairement. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Quelqu'un dit que tu ne laisseras pas vivre la magicienne, il ne tue pas. Vous comprenez comment ils sont malhonnêtes, n'est-ce pas? Ils sont des pasteurs malhonnêtes. Donc, tu ne peux pas tuer ton ennemi parce que là-bas, il était question de tuer. Alors, ça dit que si on obéit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Tu as un voisin et ils font comme ça, les pasteurs font comme ça. Ils prennent les dîmes des gens, ils construisent les maisons, ils louent ça aux francs-maçons. Parce que les francs-maçons payent un an. Il loue ça aux Rosicruciens, ceux qui évoquent les esprits. C'est pas ça, frère. Le marabout loue un hôtel quelque part là-bas en bas. C'est pas ça, frère. Après, il construit un autre endroit. Il dit qu'il faut qu'on parle, le soleil, lui, le magicien. Et c'est le magicien qui le nourrit. Le malhonnête. Continuons tout ici. Ok. Verset 27, verset 28 maintenant. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Vous avez vu ça? Vous avez entendu ça, frère? Amen. Gardez le verset ici à l'esprit. Verset 30. Donne à quiconque. Soulignez quiconque. À partir d'ici, les chrétiens du 20e siècle n'aimeraient pas entendre le verset ici. Mais le sacerdoce a changé, effectivement. Le sacerdoce a changé. Maintenant, donne à quiconque te demande, aîné, réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Souligné. Souvenez-vous à qui il s'adresse. Il a dit à ceux qui l'écoutent, n'est-ce pas, frère? Donc, quand vous avez écouté, justement, amplifier sa voix aujourd'hui. Donc, quand tu écoutes, ça te concerne. Si tu n'as pas lu, ça ne te concerne pas. Ce que tu ne sais pas. Maintenant, il dit ici, verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Vous avez entendu ça? Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est pour ça que dans ce livre de Luc, là, il va parler de ces deux personnes qui avaient le problème de dette. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? L'un, tel autre, et puis l'autre. Et puis, quand celui-là va remettre la dette de 10 000, il va rentrer voir quelqu'un qui a 100, il dit que rembourse-moi. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Ah. Or, il aurait souhaité qu'on lui rembourse sa dette. On lui a remboursé sa dette, on lui a remis sa dette. Il est arrivé là-bas, il a vu quelqu'un qui était dans le même besoin aussi, il n'a pas pu remettre. Il dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui l'aiment, ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs agissent des mêmes. Et si vous prêtez, écoutez maintenant verset 34, nous sommes dans Luc chapitre 6, verset 34. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, et si vous prêtez, vous savez quand on lit comme ça là, on voit quelqu'un va aller méditer, dire, est-ce que le mot prêter là vous dit prêter? Mais il faut qu'on regarde en hébreu, qu'est-ce que j'étais à prononcer de sa propre bouche? C'est-à-dire que quoi? Le mot prêter, c'est le dérange. Quand quelqu'un dit prêter, ça veut dire prêter. Même si tout la langue n'importe comment, il veut dire prêter. Voilà. Il dit, et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir? Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous comprenez que l'acte de prêter, c'est toi qui le fais. Et si tu prêtes à quelqu'un, que tu dis que dans demain, là, tu vas me... Quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la... Pareil, mais écoutez, mais aimez vos ennemis. Faites du bien et faites du bien. Vous y êtes? Voici un verset, comme vous aimez écrire, le sang de Jésus me couvre mon maison. Et haut là-bas, écrivez ces versets aussi à côté de votre lit. Le deuxième volet. Et prêtez sans rien. Notez ça, soulignez ça, vous encadrez. Prêtez sans rien espérer. C'est-à-dire, de toute façon, quand il parle, moi je suis indemne. Ne compensez pas quand il y a l'argent, vous venez prêter chez moi, il n'est pas. Donc, c'est-à-dire, si vous venez vers moi, vous dites, frère, prête-moi 100 000. J'ai 100 000, je te donne sans espérer. C'est-à-dire, la surprise, ce serait que tu me rembourses. N'est-ce pas? Attendez, vous allez voir comment Dieu a équilibré les choses, tant que personne ne peut tromper personne. Il dit prêter sans rien espérer. Souvenez-vous, il ne s'adresse pas à tout le monde, il s'adresse à ceux qui l'écoutent. Gardez bien ceci, il n'a pas parlé à ceux qui l'entendent. Il parle à ceux qui l'écoutent. Il n'a pas dit entendre. Pour ce qu'il était d'entendre, il a parlé d'entendre. Quand il voulait utiliser le mot entendre, il a dit le mot entendre. Quand il s'agit maintenant d'écouter, il parle à vous qui m'écoutez. Ici, on dit prêter sans rien espérer. C'est-à-dire quoi concrètement dans la pratique? Souvenez-vous, le mot prêter, ça veut dire prêter. Mm-hmm. Donc, quand tu prêtes, tu donnes, quand tu as un sort, oublie d'abord. Oublie. Regardez, écoutez. Il dit, mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et puis, quand vous faites ça, votre banque va plutôt augmenter. Vous avez vu ce qui est écrit là, n'est-ce pas? Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Pour bien signifier qu'on est en train de parler de ce style de prêter et qu'on ne te donne pas. On te prend pour un con. On peut avancer, frère et soeur. Voilà, écoutez encore. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. On y va. Maintenant, nous voici dans ce verset 34. Il dit prêtez sans rien espérer. Il dit si vous faites donc ça, vous serez donc les fils du Très-Haut. Alors maintenant, prenons deux frères qui se lèvent. Deux frères, c'est levé, vous pouvez donner les versets bibliques pour que vous voyez. Voici le frère Arnaud qui est debout et puis le frère David. Le frère David, lui, n'a pas les dettes. Le frère Arnaud a souvent des CFA. Et donc, comme il n'a pas de dettes, il est coincé un jour au cou au point qu'il comprend vraiment que ici là, s'il ne trouve pas, quelqu'un ne lui trouve pas de l'argent, il est fini. Il dit, frère Arnaud, je vais te voir. Oh, le Seigneur t'aime. Il prend d'abord le verset biblique. Il parle. Il dit que tu étais en assemblée samedi dernier. Il dit que oui, on a parlé de ça. C'est ce qui change. C'est même pas ce qui a donné le titre là. Après, ferme ça là. Le frère Arnaud le suivait. Que non, c'est sûr que le frère, s'il ne vient pas souvent ici, dans son cœur, il me dit aussi que c'est sûr qu'il a nommé piégé quelque part. De quoi il est question. Après, il dit que frère, non, j'ai pas moi. Ah, j'ai même oublié. En fait, le sujet pour lequel il venait n'a pas oublié. Il pose un problème que j'ai un problème qui me cale au cou. Seulement, j'ai réfléchi. Quelque chose m'a dit que va vers Arnaud. Quelque chose lui a dit va vers Arnaud. Un cœur me disait que viens, un autre cœur me disait que tu n'es même pas là. J'ai forcé donc en entendant l'autre cœur. Je suis venu dans l'été trouvé. Donc j'ai compris que c'est Dieu qui m'a vraiment envoyé. Arnaud est conditionné donc à répondre à sa requête. Là, Arnaud est conditionné à requête parce que tous les concours montrent qu'il est à la maison. Maintenant, il pose donc le problème. Et il pose le problème comme ça là. Les épargnes, on va encore parler des épargnes. Les épargnes de Arnaud étaient 50 000 exactement. Il venait de prendre ça pour arranger sa moto. Il dit que j'ai un problème de 50 000 là-bas. C'est une question de vie ou de mort. Le gars, lui, c'est qu'il ne peut pas mentir. Voilà 50 000 là-bas. Il reste comme ça. Un cœur aussi lui dit que donne. Un cœur ne dit que ne donne pas. Il dit que frère, pardon, prête-moi l'argent là. Il faut que je reçois ce problème. Je vais te donner dès que possible. D'abord, le maximum, la semaine prochaine, mon frère m'a promis l'argent qu'il m'envoie l'argent du village. Ça, c'est frère David qui le dit. Il dit vraiment. Il dit que sache que ma moto, c'est mon tout ici. Alors qu'il dit souvent que Jésus est son tout. Il dit que sa moto, c'est son tout. Il part sortir, il entre dans la chambre, il dit que attends ici, j'arrive, ne me suis pas. Pourquoi son frère qui dit qu'il a tout en commun ne voit pas le gars qui va l'argent dans la chambre. Il part sortir les 50, il donne, il dit comme ça. Il sache que Dieu te voit, toi et moi. Comme pour dire qu'il s'en est signé comme ça, le contrat, il lui donne les 50 000. Celui-là ne saurait pas faire sa chose. Maintenant, une semaine, deux semaines, trois semaines passent. Arnaud et ses frères civils, on dit que salut tout le monde, salut vous les uns, les autres. Chacun se traverse comme ça. Il se traverse et salut. Il raconte les histoires où vous vivez. Il y a des ces choses ici dehors. Et salut, c'est ce qu'il veut. L'autre fait comme s'il n'a pas vu. L'autre fait comme s'il n'a pas vu. Les murmures commencent. Maintenant, assez vous ferez vous expliquer. Donc, voilà les deux. Donc, voici la situation positionnée. Maintenant, comme celui-ci a vu, prêté et sans rien espérer. Donc il a prêté sans espérer. Celui-ci, il a prêté l'argent à l'autre. Il devait comprendre qu'il ne devait rien espérer. S'il souffre par rapport à la moto, là, c'est à ce cas-là que sa récompense est grande en haut là-bas. Parce que tu prends, on te rembourse, il n'y a pas d'espérance là-dedans. Il n'y a pas de récompense. La récompense, c'est que tu fais du bien, on te fait du mal. Il y a une récompense derrière. Parce que la Bible déclare que quelle récompense vous aurez si on vous punit pour avoir fait du mal. Mais si on vous outrage parce que vous avez fait du bien, on dit vous êtes heureux. Parce que la récompense est faite parce qu'il manque quelque chose à supplier. Il est de la justice de Dieu de rendre affliction à ceux qui vous donnent affliction. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, il y a deux problématiques ici. Remarquez très bien que le prêt d'argent a amené le murmure au milieu des gens, n'est-ce pas? Les frères ne sont plus dans l'amour fraternel. Quand il va lire chaque fois n'importe comment et que quelqu'un vient lui raconter l'histoire en parlant que frère David a fait quelque chose, quand son nom va être sujet, va être. Mais, enfin, de toute façon, les visions qu'il va avoir, c'est sur lui. Vous allez entendre, maintenant, il va venir que j'ai une vision. Le frère s'est fait l'accident. Il est mort. Oh, ce sont les visions du cœur parce qu'il a prêté la jambe. Frère, si nous sommes ici, nous avons des problèmes. Réglons nos problèmes les uns et les autres. Parce que l'enlèvement arrive. Il ne faut pas que tu dois quelque chose à quelqu'un. C'est son agent qui cherche comme ça. Maintenant, quand cet autre frère dit que tu déranges, tu m'as donné. Il y avait même une preuve. Un de ces juifs va avancer dans la Bible. Il va lire le livre de Romains, chapitre 13, il va tomber au verset 8. La Bible dit, ne devez rien à personne. Donc vous voyez, est celui qui donne l'argent et celui qui reçoit ont des problèmes devant le Seigneur. Parce que celui qui donne l'argent, lui dit de donner sans espérer. À celui qui a pris la Bible, déclare, tu ne dois devoir rien à personne. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit veut que nous soyons intègres. C'est l'intégrité, cela. Quand tu donnes ta parole, tu la respectes. Vous essayez, n'est-ce pas? Tu donnes ta parole, tu la respectes. Maintenant, quand celui-ci va voir ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour moi. Si c'est moi qu'on avait pris mon argent et qu'on a remboursé comme ça, quel serait mon état? Là maintenant, le Saint-Esprit, automatiquement, si les frères est vrai, va lui indiquer d'aller résoudre ses problèmes. C'est lui seul qui va venir maintenant donner cet argent. Parce que la Bible déclare en exception que celle-là m'avait envoyé. On a dit que c'est le méchant qui prête, il ne rend pas. On n'a pas dit les enfants de Dieu prêtent, il ne rend pas. On a dit le méchant, il prête et il ne rend pas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, ça veut dire que si lui se considère comme méchant, il va dire que je ne rends pas l'argent à retenir la terre et tout ce qu'elle renferme. Je suis le fils de Dieu, donc par conséquent, son argent, c'est mon argent. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc celui qui donne, doit donner sans espérer. C'est ce que la Bible dit. Sans espérer qu'on te donne. Toi qui prends, tu prends, tu montes ou tu descends. La Bible met une incompatibilité entre l'amour que tu as et le fait que tu prêtes sans remettre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc vous voyez effectivement qu'en clair, les gens ne peuvent pas se tromper en milieu chrétien normalement. Parce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 5 et 6, il dit c'est que personne n'use de fraude et de cupidité dans les affaires. Que personne n'use envers, c'est écrit envers son frère. Envers son frère. De cupidité et de fraude dans les affaires. Parce que Dieu tire vengeance de toutes ces choses-là. Puis ici, quelqu'un rejette ses procès, il ne rejette pas un homme, mais Dieu. Donc, si tu prends l'argent à quelqu'un, tu dis, je vais te donner ton argent. Après, tu dis, on a dit que personne ne résout. On a dit que personne ne résout. C'est à lui qu'on a dit ça. À toi, on a dit que tu ne dois rien devoir. Donc, maintenant, si tu dis que tu rejettes là, à cet instant, tu as rejeté Dieu. Amen. Donc, le sacerdoce a changé. Pas vrai? Des questions? Oui, mon cher David. Oui, je veux une question. Attends, je n'ai pas encore fini. Il m'a dit Amen. Et par conséquent, si tu sors maintenant, tu vois donc que la dette peut arrêter ton frère. Parce que tu aimerais que son te pardonne aussi tes dettes. Qui n'aimerait pas que le Seigneur lui dise que je t'ai pardonné? Qui n'aimerait pas, frère? S'il retient nos péchés, personne, quelqu'un sera pardonné? Alors maintenant, ça veut dire que s'il voit que cette chose-ci crée des problèmes avec mon frère, il dit mon frère, et c'est là les grandes récompenses. Voilà là, les grandes récompenses. Il dit mon frère, je te remets les dettes que tu as envers moi. Soit quitte et libéré. Que le frère fait, ouf, merci Seigneur, c'est parce qu'il va donner à ce frère, c'est pour ce qu'il m'a, la libération qu'il m'a fait. À cet instant, ta récompense est grande. Mais si vous regardez, tu n'as que 100 000, 1 pied, 2, 3, 4, non frère, tu vas savoir que donner. Il n'y a pas de problème, c'est encore ton droit. Mais il y a aussi les conséquences d'ordre spirituel. D'accord? Donc comme tu as dit, il va sortir, le faire, fais-le et que Dieu soit avec toi. Allons-y. Oui. Je voulais poser une question, c'est comme ça. Que faire ou que dire à une personne qui vient vers toi et qui pose un problème de conscience, de savoir. Oui. Voilà, qui s'est marié à quelqu'un. Oui. Deux chrétiens. Oui. Qui s'est marié à une personne. Et qu'à la longue, elle conscience que la personne qui est épousée et qui est mariée ailleurs. Oui. Il a dessiné mon ami. Oui. Et que ce mari soit dans la personne, oui. Et conscient que le mari qu'ils ont fait, c'est mon ami. Oui. Et dès qu'il a conscient que la personne lui trompait, oui. Puisque vu le manque de la personne, elle ne se joue bien sur ce que tu as fait, cette personne qui a épousé est mon mari depuis. Tu sais que cette personne n'est pas chrétien. C'est toi qui as dit qu'elle est chrétien. C'est toi qui dis qu'il est chrétien. C'est une usurpateur du titre chrétien. La base du chrétien, qui est la première institution du chrétien, il est malhonnête. Donc cette personne n'est pas chrétien. C'est pour ça que la Bible déclare que c'est Dieu qui connaît ses enfants. Et donc maintenant, j'ai considéré à celui-là maintenant qu'il faut qu'il résout son problème jusqu'à ce que ses problèmes soient ôtés. C'est-à-dire quoi? Quand il y a l'état civil, la loi dit clairement que personne ne peut se marier dans un régime monogamique et en épouser une autre personne dans un autre régime, que ce soit monogamie ou polygamie, tant que le premier n'est pas été dissous. Donc il est coupable devant la loi. Il rend que les gens soient coupables. Donc, il faut que la justice règle ces problèmes-ci. D'accord, mon cher? Oui, mais je veux comprendre, n'est-ce pas? Oui. Puisque l'autre femme qui lui l'a épousé, il ne s'est pas séparé. Et que celle-ci qui a construit cela se sépare d'elle-même. Tous sont coupables. Tu ne sais pas de même. Tu ne dois pas te soustraire. Même si le même la personne est coupable, parce que personne ne se soustrait. Encore moins que la soustraction du mariage n'est pas donnée à la femme. On dit que c'est soustrait, qu'elle se demeure comme ça, ou bien qu'elle se réconcilie. Donc ça ne lui a pas été donné. C'est pour ça que je vous ai dit ici que si vous ne connaissez pas les choses du mariage, gens, fermez vos soupapes. Fermez les tuyaux de chemin. Parce que quand quelqu'un vient devant vous pour poser un problème, chacun posera le problème qui le concerne à son avantage. Vous avez vu, il y a une femme qui est venue un jour à la maison. Et le frère Junior, Ce qui m'énerve, celui qui m'étape, vous savez, c'est parce que je ne peux pas donner le nom. Je vois de toutes les couleurs là-bas à la maison. Frère Junior, c'est pas considération pour ta personne, parce que je sais que le Seigneur t'utilise. Il m'a tapé, il m'a tapé, il m'a tapé, il m'a tapé. Il pourrait me taper partout, mais ce qui me dit, c'est que voici ma tête qui me fait maintenant mal. Je suis allé faire le. Vous savez, c'est du code médical. Il me cogne tout sur la tête. Il cogne, cache ma tête, il cogne. Vous savez, quand il vient parler, il dit ok, mais tu as fini, dit oui. Qu'est-ce que tu lui as dit avant qu'il cogne? Il dit, toi, tu connais notre bouche, les femmes, non? Donc, vous pensez vous-même. Quand un mari entre la maison, il peut voir la tête de sa femme, il commence à cogner, commence à cogner. Hein? Ne faites pas comme Jean-Michel Cancan. Que merde, il se met à te taper sur la batterie. Il se commence à taper sur toi comme ça, tu es le tam-tam. Oh merde. Donc, quand vous entendez de ces choses, particulièrement les problèmes de couple, il faut faire attention. Quand la personne vous dit qu'il m'a fait comme ça, quand vous faites comme ça là, le vrai problème, et même les deux qui connaissent, quand ça se voit comme ça, l'autre dit. Vous savez, les femmes sont des réseaux pour avec les hommes. Ils sont assis comme ça. L'autre parle. L'autre parle. Je suis là, il discerne seulement. Plus tu parles, plus on discerne. Après, la femme dit que le mari tend le pied sur la table comme ça pour appuyer le pied. Que ne dit pas l'autre là. Tandis, la femme dit que laisse-moi. C'est quoi? Alors, quand vous ne connaissez pas ces choses, il faut rester tranquille. Vous savez, quand vous voyez les femmes et les hommes bavarder et autres, laissez-les tranquilles. La Bible déclare que lorsqu'il y a la colère, l'homme sage sait l'apaiser. Maintenant, vous voyez, vous venez dans une situation, dit que merde, il t'a fait ça. Non, c'est quand même démoniaque ce qu'il a fait. Il dit que voilà, tu es avec moi. Après, quand l'homme vient, il dit que mon frère, il dit, il souffre avec cette femme, tu entends un peu doucement. Il parle doucement, il est là comme le pape. Il te dit que je souffre vraiment avec cette femme-ci. Il parle comme ça doucement, tu ne sais même pas qu'il tape même sur sa femme. Que la femme dit que il m'a tapé ici, tapé ici. Après l'homme dit, il souffre. Si on te donne une minute avec elle. Vous savez, c'est un autre homme qui vient à la maison, sa femme s'appelle Grâce. Il dit que mon frère, tu dois aimer ta femme. J'ai déjà résolu le problème plusieurs fois. Après il dit que donne-moi ta part de grâce que tu as à la maison. tu prends ta grâce. Que, tu as dit que c'est une grâce, non. Oui. Il dit que donne-moi. Il dit que non, ma part de grâce me suffit. Prends ta grâce. Il dit que si on te donne ma part de grâce que tu goûtes, tu ne dois pas rester tranquille. Mais ça fait 22 ans ils sont ensemble. Ça fait 22 ans ils sont ensemble. Je dis que c'est vous, à vous, de nous prodiguer des conseils. C'est plutôt vous qui venez à moi. Mais il faut comme ça, il ne se sépare pas. Hein. Et maintenant, vous faites maintenant. Tu viens un jour comme ça, tu dis, ok, sors maintenant. Il y a des choses qui arrivent qui sont terribles. Avant que nous voyageons pour le Nord, il y a une femme qui est venue à la maison. Le grand matin, ils sont allés travailler avec des gens du Canada. Elle vient, oh, elle est là comme ça, comme un Saint-Denis touche. Ah, c'est quoi? Il dit, madame, je me suis tourné vers elle. Avant qu'on ne pose le problème, il dit, madame, il te faut la délivrance. Elle est debout comme ça, regarde comme ça là. Elle dit, non, mon mari m'a tapé, regarde les blessures ici, regarde les blessures. Regarde les blessures. Il dit que je sais, je regarde la blessure. Mais il te faut la délivrance. Il te faut la délivrance. Il te faut la délivrance. Parce qu'en dehors de toi, il y en a une autre personne. Maintenant, quand cette personne-ci a un esprit en elle, son mari dit n'importe quoi, ça l'énerve. Donc, elle sera seulement têtue. Donc, son mari n'a pas d'autre choix, c'est un mondain. Il va taper, que tu ne comprends pas, il te tape. La réponse, c'est sur son corps, mais pourtant, c'est un esprit qui en est de faire. Et donc, là, il dit, ok, quand on va te délivrer, elle est rentrée à la maison. Il dit, non, rentre. Il dit, mon mari est devenu méchant, il n'y a pas de problème. Oh, c'est cette personne qui vient de crier. Maintenant, il dit, tu as deux alternatives. Soit tu viens ici pour la délivrance, tu sois délivré. Et puis, donc, dans ce cas, ton mari va te voir comme il se doit. Parce que quand ton mari te regarde, une autre personne est tenue devant toi. Voilà comment on démarre ce gars ici dehors. Maintenant, vous voyez, ce genre de femme, c'est que mon mari me tape et dit que merde, c'est un méchant type. Frère, vous portez le péché. Vous portez le péché. Parce que quand ce mari-là tape, quand il va quelque part, il dit, mais pourquoi il tape même cette femme-ci? Alors, je lui pose la question. Le premier jour, quand il t'a vu, il t'a dragué, vous allez au restaurant, il t'a tapé. Le deuxième jour, il t'a tapé. Le jour parti, vous mariez, il t'a tapé. Non. Il sortait souvent, vous voyez, il fait comme ça. C'était d'abord bon. La personne qui te dit je t'aime, ne peut pas du jour dans la même tête haïr. Il faut qu'il y ait quelque chose. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, il y a un esprit qui les crée problème. Maintenant, le jour où elle est venue donc pour la délivrance, elle est venue. Dès qu'on l'a délivrée, le lendemain, il y a une réunion, le problème s'est résolu. C'est pas si vous comprenez. Donc, avec le problème de mariage, faites attention quand vous amenez là-bas. Priez, demandez au Seigneur. Si quelqu'un vient vous poser la question, tu dis, attends, il part dans la chambre. Elle va prier. Seigneur, d'un par là, si vous ne connaissez pas, dites ma soeur. Va prier pour ton mari. Ou bien mon frère va prier pour ta femme. Dites ça, vous sortez là-bas. Que de mettre votre bouche là-bas, que ça ne soit pas cela. Vous comprenez? Donc il est bien vrai, son mari était dans une secte, était dans une grande secte. Mais là n'était pas le problème. Le problème maintenant c'est que c'est elle qui a besoin de délivrance. Son mari est dans la secte. On n'a pas dit là-bas que divorce de ton mari s'il est franc-maçon. Il n'y a pas de verset comme ça. Divorce c'est les satanistes. Pas vrai? Sinon Dieu n'enverrait pas Esther devant Potier, quoi, comment il s'appelle, Azirus. Je ne sais pas si vous comprenez. Et alors là, si ton mari est sectaire, ce n'est pas le problème là-bas. Le problème c'est que c'est ton mari qui est sectaire, ce n'est pas le sectaire qui est ton mari. C'est ton mari qui est sectaire. Ce n'est pas le sectaire qui est ton mari. Tu n'as pas épousé le sectaire, mais ton mari. Dieu n'a pas demandé que si Dieu vient à la maison, que ton mari, il ne doit pas dire que ton sectaire est parti où. Il va dire ton mari est parti où. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, ça veut dire que cette femme-ci a besoin de délivrance. Maintenant, quand elle est délivrée, Dieu dit à son frère que, en fait, son mari est comme ça. Maintenant, tu parles de maintenant que son mari est comme ça, alors qu'elle n'est pas délivrée. Et tu vas aller là-bas résoudre le problème là. Donc, gardez-vous à l'esprit que si vous ne connaissez pas, et j'ai dit ça plusieurs fois, le problème, vous pouvez essayer de manigancer n'importe quoi pour le problème de planning familial au-delà dehors. Mais pour ce qui est de couple, les gens qui vivent dans la même maison, grave encore si vous êtes dans le même foyer, vous dormez, si vous avez donné une chambre dans la maison, j'entends boum, boum, boum, boum. Mais mettez l'enseignement sur Bambaïba, vous augmentez le volume. Parce que si on entend boum, boum, boum, boum, tu sors, dis que papa, c'est quoi? Tu arrêtes sa main comme ça, la femme fait bam. Il dit, ah, ok. Ça dit que vous avez dérangé dans cette maison, c'est pour mélanger. Quand on va faire la réunion familiale, c'est toi qui vas aller là-bas. Il m'a arrêté ici, il m'a même tapé. Vous avez vu les yeux? On va voir les choses sur les yeux. On va voir, effectivement, tu n'auras pas le problème que ce n'est pas toi qui as tapé. Et on dit que au milieu des grands, que les grands ne mentent pas. On va dire que c'est toi qui as tapé l'œil de ton oncle ici dans la maison-ci. Et puis le soir, quand il va se résoudre le problème, il dit que tu avais dit que Gabriel est dans la maison-ci, c'est lui. Tu n'as pas remarqué que depuis qu'il est entré dans la maison-ci, on a des problèmes. Mets-le dehors. Un jour, tu vois maintenant, on te demande, la femme sort, l'homme sort, on te laisse comme ça sans 100 francs. Tu vas comprendre que là-bas, tu es personne à non grata dans cette maison. Pointe quelqu'un, dit pour le mariage. Laisse les mariés continuer comme ils avaient commencé. Voilà. Donc, s'il y a n'importe quoi avec le mariage, c'est eux qui connaissent ce qu'il en est. Le mari discute avec sa femme, il parle, la femme parle. Le problème est là, on a des effets mini autour du problème. Tu veux entrer à la dernière comme ça, bam! Tu dis non, madame, tu as tort ici, tu as raison ici. Et tu tournes, c'est comme on était au nord, il y avait un monsieur qui est devant là. Bon, il y a les enfants, ils ne veulent pas dire ces choses-là. Vous êtes comme ça dans le couple, vous êtes fini. Quand j'entends le mari dire que tu peux, la femme dit que tu peux faire quoi? Tu comprends ce qu'ils veut dire que tu peux faire quoi? Quand elle comme ça, elle vient derrière quelqu'un, tu peux faire quoi? Lâche! Vous comprenez, c'est pas frère? Toi aussi, dis quoi? Tu dis ça à qui? Ok, fais alors. Il faut que le problème là soit résolu pour qu'il fasse quelque chose. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous êtes des grandes personnes. Des questions? Oui, mon frère là-bas. Oui, j'ai une question de. Vous entendez ici? Je crois que c'est mieux comprendre ce qui est proche, pas vrai? Je disais que j'ai une question d'Exode 20 au verset 8. Oui. Je t'appelle tout à l'heure. Il est dit là-bas, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Oui. Donc en disant cela, c'est par rapport à sanctifier ce jour-là. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier le jour de repos? Qu'est-ce qu'elle est d'abord? Montre-moi le jour et te dis comment on sanctifie cela. Parce que ta question c'est comment est-ce qu'on. Que veut dire sanctifier? Montre-moi le jour et te dis comment on sanctifie. Quel est le jour qu'on doit sanctifier? Pourquoi ça? Parce que faut connaître quel est le jour et puis connaître comment on sanctifie. Donc, il croit qu'il est, là, il est plongé dans la méditation. Des questions? Comment? Comment? Le jour du sabbat. Je voulais poser une question dans ma chemin. Pose, nos frères. La question, c'est on lit à partir de cette chanson. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La question que je voulais poser, c'est que est-ce que le Seigneur est en train de dire implicitement ici qu'il y aura toujours peu de prédicateurs qui seront envoyés sur ces choses? Qu'est-ce qu'il a dit, frère? Que la moisson est grande. Oui, et les ouvriers? Il y a tu as vu un endroit où il a dit, maintenant, les moissonnets sont trop grands, quelque part dans la Bible. Mais c'est ce qu'il a dit, non? Comment il dit que je te dis que, est-ce qu'il veut dire implicitement qu'il y aura toujours vraiment. S'il y a beaucoup plus de prédicateurs que les gens qui vont prêcher, les autres vont prêcher à ce qui? Des questions? Oui, frère. Oui, mon cher. Jean, chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, oui. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Oui. Je note une différence entre honorer Dieu et faire sa volonté. Donc ma question est, comment honorer Dieu? En fait, c'est la première question que j'avais posée aujourd'hui dans le livre Exode chapitre 20, verset 12. Oui. Tu n'as pas encore trouvé ce que tu avais fait pour que les malédictions s'attachent à toi par rapport à tes parents. Okay. Okay, tu as oublié la question que j'ai posée. Oui, je me souviens maintenant. Y a-t-il une différence entre honorer Dieu et faire la volonté de Dieu? Mais dans le verset, on a mis les deux versets, les deux mots. Oui. Ça veut dire qu'il y a une différence. Oui, ça se situe à quel niveau alors? Ça veut dire que si tu prends encore ce que j'ai dit tout à l'heure ici, c'est. Comment tu avais appelé cela? Tu as parlé des. Tu as le référentiel. Oui. Dès que tu as dans le référentiel, tu t'arrêtes comme ça. Tu dis que mais, si on écrit ici honorer et faire sa volonté, la conjonction et conjonction, je veux que ce soit deux choses différentes. Donc par conséquent, honorer. Pour honorer, tu as compris ce que ça veut dire honorer. Oh oui. Vraiment. Selon ce que tu me. Ce donc, il s'était expliqué ce que c'est que la volonté, honorer Dieu. D'après. Il y a un autre enseignement. Il y a un autre enseignement en deux parties. Connaître Dieu et sa volonté. Je crois que c'est ça le titre. Savoir la volonté de Dieu et y marcher. Voilà, il y a une et deux, deuxième partie. Des questions. Donc, tu as trouvé le jour, mon cher. Ok, bon, quand tu as trouvé, on va voir ce que ça veut dire. Mon cher, oui, ici. Dans Matthieu 10, verset 7, on dit quand on parle des brebis perdus de la maison d'Israël. Oui. Est-ce que Dieu me dit ce sont les élus qui sont. Il y a l'enseignement concernant cela, qui sont les brebis perdus de la maison d'Israël, c'est Bamba. Allons-y, des questions. Oui. Oui, frère, je voulais aussi poser une question dans Matthieu 2, verset 18. Oui. Lorsque le prophète Jérémie parlait de Rachel. Oui. Bon, quand je lis le verset, je comprends que la Rachel dont il s'agit, c'est une Rachel. Donc, ce que je comprends, c'est que le prophète Jérémie avait vu cette femme-là. Oui. Et qu'il parlait d'une femme qui s'appelle Rachel parmi lesquelles on a tué là. C'est comme ça que moi je comprends ça. Qui t'a dit ça, frère? En fait, je voulais savoir si c'est ça. Ah, j'ai dit c'est comme ça que je comprends. On a dit tous les cris là, j'entends des cris Arama. Il a dit que c'est ton des cris. Il n'a pas dit le cri de Rachel. Les cris Arama. Rachel pleure ses enfants. Les cris là, c'est Rachel qui l'envoie. N'est-ce pas, frère? Je comprends pas bien. Pourquoi il parle de Rachel, le prophète Jérémie? Pourquoi il parle de Rachel? Oui. Il me dit que c'est Rachel. Non, on va savoir qui est Rachel. Tu regardes des gens, son origine. Comment elle est morte, qui est son papa. Tu vas savoir de quoi il a parlé, le prophète. Pourquoi ne pas dire Rebecca? Ou bien tu veux dire que c'est une femme qui était de Rachel, qui était Rachel parmi ce jour-là. Courage, mon frère. Des questions? Oui. Oui, frère. Il y a une question par rapport à une scène, un événement que j'ai vécu. En fait, j'aimerais comprendre quelque chose. Bon, un de ces jours, je suis entré dans un taxi. Bon. Attends, tu as vécu la scène là, tu veux que je t'explique? Non, en fait, je vais expliquer la scène. Et je vais comprendre ce qu'il doit expliquer, quoi. Oui, frère. Voilà, j'étais de taxi avec toi. Non, en fait. Non, continuons, frère, allons-y. Non, en fait, voici ce qui se passe. Oui. Comme il y a souvent, généralement, trois personnes derrière. Mmh. Bon, cette fois-là, il y avait une personne à la gauche. Et moi, je suis entré comme deuxième personne, j'étais assis au milieu. Oui. Bon, il devait sortir avant celui qui devait entrer. Bon. Le troisième est donc venu, il voulait entrer. Je suis donc sorti du taxi pour qu'il entre comme ça, moi, en sortant, pour que je l'empêche pas, quoi. Je veux dire quoi? En fait, je l'ai compris, avance, mon frère. Bon, maintenant, il se pourrait que. Le chauffeur a vu ça mal, donc comme une mauvaise réaction. Oui. Il a donc dit que non, ça ne se fait pas. Même notre passager qui était là a dit que non. Même si c'est elle, elle ne peut pas accepter que quelqu'un sorte, elle entre, que j'entre encore après. Bon, j'ai voulu dire que en fait, je l'ai fait dans l'intention que donc de ne pas le déranger bien après quand. Quand je vais lui dire de sortir pour que je sorte, il a. Bon, ils ont pris ça mal. Et puis, bon, j'ai voulu qu'ils m'expliquent pourquoi. Ils n'ont pas pu m'expliquer. Oui. Bon, et quand je rentrais, je méditais dessus et disais, mais Seigneur, est-ce que ce que j'ai fait était mal? Bon, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas pu trouver de réponse. Et je voulais donc que, en fait, s'il y a un passage, par exemple, bon. En fait, si, puisque dans la Bible, il y a des choses qui sont écrites, qui sont dites, mais pas littéralement. Non, ne t'inquiète pas, ne continue, puis je vais te montrer le passage. Donc, tu veux savoir le genre de passage des taxis dans la Bible. Par exemple, même comme on ne sait pas dire avec le langage des taxis, j'arrive à te montrer. Donc, d'après ce que le frère veut dire, il dit par exemple, peut-être comme tu lis la Bible, tu le frère Junior, il y a des passages qui parlent de taxis sans parler de taxis directement. Et peut-être dans le taxi, on a dit que quand tu es au milieu, tu restes au milieu. En fait, si tu suis l'actualité, tu vas effectivement remarquer que souvent des personnes entrent dans le taxi et on le met au milieu, on le soutient. Et la personne est dans son droit de ne pas vouloir entrer dans le taxi. C'est pas ça, hein? Tu savais ça, frère? Oui, frère, il savait. En fait, lui, celui qui voulait entrer n'avait pas de problème. C'est plutôt les autres, le chauffeur. Quel qu'en soit le cas, parce que la personne qui est dehors peut les accuser comme étant le complice des bandits. Parce qu'il vous a trouvé dans le taxi ensemble. Il ne sait pas si vous vous connaissez ou si vous ne vous connaissez pas. Bon, qu'est-ce que c'est à voir avec le verset biblique? Comment, frère? Il va te montrer le verset dans lequel c'est contenu, d'accord? La Bible déclare, soyez saints dans toute votre conduite. Au moins, là, tu as entendu le mot conduite, non? Tu as entendu conduite là-dedans, frère? Donc, si on a le conduit, la voiture... on soit sain dans toute notre conduite. C'est pour ça que notre chauffeur a voulu être sain dans toute sa conduite. Pour que sa conduite ne soit pas irréprochable. Qu'il a porté les bandits. N'est-ce pas, frère? Des questions? Oui, oui, prenons ici. Donc, il y a un groupe de personnes qui spécialisent des questions, oui. La question que je voulais poser, en fait, c'est suite à une méditation que j'ai faite. On dit dans Matthieu 10, à partir de 7, 13. En entrant dans la maison, saluez-la. Mmh. Et si la maison en est digne, que votre père vienne sur elle. Mmh. Mais si elle n'en est pas digne, que votre père retourne à vous. Oui. Bon, la question, là, quand j'ai médité dessus, j'ai compris en fait en partant un peu des versets qui ont précédé cela, c'est que c'est quelque chose que les apôtres devaient faire pour discerner l'endroit. Est-ce que vous devez aller? On a dit qu'en entrant dans la maison, il devait dire qu'il va rentrer comment alors qu'ils sont entrés. On a dit clairement qu'en entrant dans la maison, saluez-la. N'est-ce pas? Si tu trouves un enfant de paix, votre père ira sur lui. Mais si tu ne trouves pas un enfant de paix, ça retournera sur vous. C'est pas ça, frère. C'est ça. Bon, il devait discerner comment? Discerner pour entrer comment? Puisque on l'a dit avant que renseignez-vous dans la ville. Oui. Si il se trouve quelqu'un de digne qui peut vous recevoir. Oui. Vous prenez d'abord cette information. Si la personne prend la personne, si il a déjà l'information que cette personne est digne de me recevoir, alors quand on salue la maison, on dit que si tu trouves quelqu'un enfant, c'est pas seulement celui-là qui peut être dans la maison. Quand il y a n'importe quel enfant qui est dans la maison, qui est un serviteur du Seigneur, ça va aussi aller sur lui. D'accord, mon cher? Et quoi que tu parles, on a dit qu'on salue la maison. Je crois que c'est ça que tu me posais comme question. Tu me laisses, tu me parles que le renseignement. C'est sur le renseignement, c'est le discernement. Moi, je pose la question puisque je n'ai pas posé. Que veut dire saluer la maison? Non, la prochaine fois, quand tu vas poser la question, on va répondre. Allons-y ici, des questions, oui, mon cher. Oui, frère, ma question, c'est dans deux projets, chapitre 1, le verset de Dieu. Oui. Il dit, lequel nous a aussi marqué d'un sceau, oui. Mis dans notre cœur. Les arts de l'esprit. Oui. Oui, je me comprends. Ça fait 3 ans que tu avais posé la même question. 3 ans. Tu as posé la même question sur le droit. Les questions ici, allons-y. Oui, frère, c'était toujours la question du frère. Ça veut dire quoi, saluer la maison? Oui, des questions là-bas. Oui. Ouais, je voulais revenir un peu sur Matthieu 11, verset 11. Oui. 11, oui. Oui, lorsqu'on dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, oui. Je suis le né de femme que je voulais. Oui, il y a des gens qui ne sont pas nés de femmes. Comment ça? Tous les anges qu'on reçoit, les gens qu'on dit que les gens ont logé sans nous savoir, les anges, ils sont nés de femmes. Non. Ils ont de parler parmi les êtres humains, c'est ce que ça veut dire, nés de femmes. Des questions? Bon, la question que je voulais poser alors par rapport à ça, c'est que lui s'exclut. Il s'exclut lui-même quand il fait cette demande. Des questions, là, des questions? Oui. Oui, mon frère. Oui, frère. Vu cette difficulté que nous avons réussi à transposer tout en commun, oui. Des disciples dans l'église aujourd'hui, alors j'ai eu à méditer là-dessus. Je me suis demandé si c'était la volonté du Seigneur, puisque ça va coûter la mort à Ananias et Saphira. Parce que les disciples vont leur reprocher, vous étiez libre de vendre votre bien. Après l'avoir vendu, vous êtes libre de donner une part et garder une part pour vous. Et plus tard, mon métier va trouver la mort, ça c'est pour suite à le tout en commun. Tôt ou tard, le Seigneur va me les disperser. Et aussi, vu aussi le fait que, par exemple, je parle aussi du fait que, après la mort de Judas, les disciples vont tirer au sort, ils vont choisir Matthias comme le deuxième apôtre. Aujourd'hui, nous savons tous que le deuxième apôtre, c'est l'apôtre Paul. Vu un peu tous ces éléments-là, est-ce que vraiment le temps commun c'était la volonté de Dieu? Le cas des choix de Judas, le cas des choix des remplaçants de Judas, qu'est-ce que ça a à voir avec tout en commun que tu en as expliqué? Parce que j'ai aussi le cas, le fait que le Seigneur, quand ce n'est pas la volonté du Seigneur, il écarte. En fait, justement, et c'est même bien que tu aies signifié cela, tu vas remarquer effectivement que le choix de Matthias a été fait avant la venue du Saint-Esprit. N'est-ce pas, mon cher? Mais quand la venue du Saint-Esprit a été là et qu'il y avait des murmures au sujet des distributions qui se faisaient chaque jour dans Actes chapitre 6, l'ordre du Saint-Esprit a été choisissez parmi vous cet homme de qui rend bon témoignage, qui soit quoi? Qui soit? Attendez, qui soit plein de l'esprit. Pour qu'on les charge à cette charge-là, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que ça, c'est une charge de l'esprit. La distribution. Pour faire la distribution, il faut être chargé par l'esprit de le faire. C'est pour te dire donc que ce ne sont pas les disciples qui ont fait ces choses-là, c'est un mouvement de l'esprit. Il n'y a pas de commandement quelque part qu'ils avaient dit tout en commun. Ils ont spontanément vécu comme ça. Et c'est la vie de l'esprit, cela. N'est-ce pas, mon frère? Tu comprends ce que je t'ai dit? Comment? Cette rupture-là. Quelle rupture? Comment as-tu Ananias? Non, en fait, ce n'est pas. L'église n'a pas eu de rupture. La religion a mélangé et les gens n'ont pas compris exactement comment on a fait aujourd'hui qu'on a les clergés, les laïcs, en milieu de l'assemblée. Quand tu vas aller dans la Bible, il n'y a pas de clergés ni de laïcs. Ce n'est pas pour autant que tu vas dire, ok, est-ce que le fait qu'on dit que maintenant que tous sont sacrifiés, est-ce qu'on peut encore vivre cela? Ça doit revenir, on doit revenir. C'est pour cela que nous sommes sur la terre maintenant. C'est justement pour cela que nous sommes sur la terre. Pour que ça revienne là-dessus et ça va revenir. Maintenant, lorsque le prophète Esaïe avait regardé le temps avant la venue du Seigneur Jésus-Christ et qu'il a prophétisé cela, il dit que toutes les tables sont pleines de missionnaires, que pressé par ci, pressé par là. Vous voyez, si tu lisais cela autant des actions, tu ne peux pas saisir ce qu'on en a dit. Parce que dans sa période, il n'y avait pas de dénomination. Il y avait seulement la loi, les sacrificateurs et les Lévites qui le faisaient. Comment les tables doivent être pleines de vomissures, de vomissements humains, un peu par-ci, un peu par-là. Quand, quand le Seigneur Jésus vient, on va pharisien. Nous nous croyons aux anges, nous nous croyons à la résurrection sadducéenne, nous ne croyons ni à l'un ni à l'autre. Tu vois les différentes tables qu'il y a. Les hérodiens, alors, vous voyez, effectivement, ils pouvaient se tenir devant eux. Que Esaïe a bien prophétisé vous concernant. Or, longtemps avant, 400 ans avant, quand Esaïe prophétisait ça, sur la terre, il n'y avait personne, ça n'avait rien à voir. Donc, quand Esaïe avait prophétisé, c'était qu'ils vivaient jusqu'à autant de Jérémie, juste avant que, même avant que Malachie ne vienne, il n'y avait personne de tel. Personne ne pouvait dire à quoi ce verset-là se dit. Personne. Parce qu'il n'y a pas son application sur la terre. Jusqu'à ce que les gens qui venaient faire ces choses-là, que le prophète en train de prophétiser, puissent être sur la terre. Les pharisiens ont leur dénomination. Chacun prend une portion de précepte. Chacun prend une portion de précepte. Nous nous croyons ici. Jusqu'ici, nous ne nous croyons pas ici. Pourtant, la loi avait été donnée dans Deutéronome 4, 2, il dit qu'on ne doit rien y ajouter, on ne doit rien retrancher. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, maintenant, quand il fait comme ça, voilà jusqu'au milieu. Voilà jusqu'au milieu. Une autre parole sort au milieu de là, au verset 11, chapitre 28. Il dit, eh bien, ce n'est pas des hommes, comme ils ont fait des préceptes par-ci, préceptes par-là, eh bien, ce n'est pas des hommes aux langues barbares, aux langues barbares, que je parlerai à ce peuple-ci. Pourtant, il leur avait parlé par la loi. Donc, il va restaurer les choses pour le parler autrement avec d'autres, la langue d'autres peuples. Parce qu'ici, c'est précepte par précepte. Et là-bas, ils honorent Dieu de leurs lèvres, mais c'est le commandement qui donne sur le commandement des hommes. Donc, tu vois, et au milieu de ça, Dieu a fait quelque chose. Eh bien, au milieu, le Seigneur a dit dans Apocalypse chapitre 3, il dit que, aide donc du zèle et répands-toi. Si quelqu'un entend ce que l'Esprit dit à l'Église, qu'il l'entend, n'est-ce pas, mon cher? Celui qui vaincra, héritera les choses. Donc, il a dit qu'il y aura les vainqueurs. Voilà, c'est mélangé. Ni froid, ni bouillant. Voilà l'atmosphère. Alors, tout en commun est tout en commun. Pourquoi est-ce que Pierre, dans ce livre des Galates, il voit ce petit jeu alors? Il va jouer au jeu de témoignage. Tu connais Proverbe chapitre 4, verset 28, que la lumière du juste lui haut. C'est parce que vous répondez, quand je pêche un témoin de Jéhovah, que Tchataré nous avait dit ceci, après la fête ceci, du coup, tu sais que la lumière de Dieu va progressivement. Ça va progressivement. Comme la Bible déclare en Proverbe chapitre 4, verset 8, que la lumière de Dieu va lui jusqu'au bon jour, jusqu'au grand jour. Que non, ils avaient de l'obscurité. Un peu, petit à petit, ça s'est jeté. D'accord? Maintenant, qui va se lever dans Acte chapitre 15, verset 22, en disant que vous savez que parmi vous, Dieu a choisi d'abord avant que les païens entendissent les discussions par ma voix. Qui avait dit ça? Donc quand la révélation est pleinement révélée, il n'y a plus d'ambiguïté. D'accord, mon cher? Et c'est même bien que ces choses soient positionnées dans les Écritures. Pour que vous voyez le commencement difficile de l'Évangile lorsqu'une révélation vient et que ça semble contredire quelque chose qui est d'abord institué. Ce sont les exemples pour nous. Ce n'est pas par rapport à la vie de Pierre. Maintenant, par rapport à cette vie de Pierre, si vous lisez 1 Pierre chapitre 3, le verset 8 et suivant, les trois premiers versets après le verset 7, où on parle au mari d'aimer leur femme. Et puis, si vous prenez le livre de Matthieu chapitre 27 et chapitre 26, vous allez voir deux personnalités différentes. Quelqu'un qui, dans le jardin, lorsqu'on est venu à retrouver le maître, il a enlevé le truc, coupé l'oreille de Malchus, n'est-ce pas? Et là-bas, il dit, non, si ton ennemi a faim, voilà à manger. C'est en faisant comme ça qu'on va arrêter les bénédictions. Qu'est-ce qui s'est passé entre cette personne-ci? Il dit, ne rendez moins point le mal pour le mal. Car en faisant ça, on va hériter des bénédictions. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir le jour heureux, qui présente sa langue du mal et s'élève les paroles de l'enseignement, qui s'attache au bien, qui cherche la paix et le poursuit. La personne qui poursuivait qui avait le couteau. Qu'est-ce qui s'est passé? Transformation. Voilà. Des questions, mon frère? Oui. Oui, frère. C'est pas pour le taxi encore, non? Non, ok. Frère, bon, nous savons tous que lorsque le baptême du Saint-Esprit vient, c'est pour incorporer dans le corps. C'est pour, en fait, nous incorporer dans le corps. Bon, je veux savoir, après avoir écouté l'enseignement, comment comprendre les prophètes. Bon, j'ai une question. Et ma question, c'est la suivante. En fait, par rapport à l'ancienne alliance, comment les prophètes fonctionnaient dans l'ancienne alliance? Et par rapport à la nouvelle alliance, nous voyons que, bon, il y a hormis de l'esprit du prophète qui fonctionne permanemment, il y a également le baptême du Saint-Esprit. Donc j'aimerais comprendre entre les deux dispensations, si le baptême du Saint-Esprit en venant sur le prophète du Nouveau Testament, lui donne un surplus par rapport au prophète de l'Ancien Testament. Ça donne un surplus, ça retire d'autres choses. Je veux savoir le surplus là-après. Donc tu veux que je te dise ça ici maintenant? Je te dis un. Le premier surplus, c'est que il n'est pas parmi l'ami de l'époux. Voilà un très grand. Il y aura les amis de l'époux qui vont se tenir. Il y aura l'époux. Donc ceux de cette nouvelle alliance, c'est ceux-là, ils se tiennent comme l'épouse. Tu as vu ça? Ça, c'est le plus grand des surplus ici. Les dons spirituels, tout de l'autre, sont autre chose. Parce que chaque prophète a sa portion. Chaque prophète a sa portion. Mais voici la plus grande ici. Jean-Baptiste n'a pas dit qu'il est de l'épouse. Il est l'ami de l'épouse. Il s'est considéré comme tel. Mais là, les autres sont l'épouse. Ouais, et parfois, ce que ça retire. Ce que ça retire. Ils ne viendront plus maintenant comme ça là. Proclamer le jugement que le feu descend sur quelqu'un. Tu vois ça, frère? Ils ne vont plus venir tuer. Donc, l'exercice des juges, ils ne peuvent plus le faire comme dans l'ancienne alliance. Mais ils sont toujours des dieux, pas vrai? Ils sont toujours des dieux, c'est pas vrai? Bon, je veux mettre une parenthèse là-bas parce que je veux toucher quelque chose. Bon, par rapport maintenant, en fait, au principe de fonctionnement, je veux dire, en fait, les façons, parce qu'aujourd'hui, on attend. Bon, en fait, je veux prendre dans un cadre général. Bon, ne t'inquiète pas, je vais te répondre grosso modo. Tu ne peux pas prendre une marmite qu'on prépare le contrat avec. Et puis tu prends l'assiette qu'on sert le contrat avec. Tu commences à dire, quand on a fini avec la marmite, on doit servir dans l'assiette. Quand la dispensation a changé, c'est autre dispensation qu'on se trouve. Tu ne peux pas comparer les deux dispensations. Parce que dans l'autre dispensation, nous sommes dans le corps, l'église ici. Il y a un fonctionnement de l'église qui forcément sera différent dans le fonctionnement d'une nation. Parce que les prophètes là-bas étaient prophètes des nations, de la nation d'Israël. Ici, c'est pour un corps. Et ce corps-ci est plus vaste qu'Israël. Tu comprends cela? Donc ça veut dire que l'ampleur du travail ici est plus grave que là-bas. Parce qu'en réalité, ceux qui étaient issus d'Israël ne prophétisaient pas pour Israël annoncer ce corps-ci. On se comprend? Voilà. Mais ils sont sortis d'Israël. Donc en clair, sur ce rapport-là, les prophètes de ce grand corps simulant travaillent plus que ceux-là. Et donc, le Seigneur va nous dire dans Jean chapitre 4 que ceux-ci sont entrés dans un travail qu'ils n'ont pas commencé. N'est-ce pas, frère? Des questions? Oui, frère. Oui. Oui, frère, je disais que par rapport au principe des fonds, en fait, en réalité, bon, je mets du côté ceux de l'ancienne alliance. Je suis maintenant ceux de. Dans l'église. Oui. Ok, allons-y. Bon, en fait, puisque aujourd'hui, d'après la saine doctrine, après l'enseignement concernant la saine doctrine, bon, nous avons reçu beaucoup de choses, par exemple la sainteté de la femme, ainsi de suite. Bon, et en fait, c'est pas sur un rapport de jugement que je le dis. En fait, bon, qui a dit que tu as le jugement? Voyant maintenant dans l'église aujourd'hui, est-ce que, bon, je pose une question, est-ce que nous pouvons voir encore aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, un prophète appelé de Dieu, bon, qui contredit l'enseignement sur la sainteté extérieure de la femme. Dites ceci, est-ce qu'un prophète de Dieu doit contredire la Bible? Non, frère. L'Écriture dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Le deuxième volet dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse donc, si tu es prophète ou bien si tu viens sous inspiration, cette même inspiration te dira que voici un commandement du Seigneur. S'il l'ignore, c'est qu'il est ignoré. C'est ce que la Bible déclare. Je veux dire pourquoi il pose cette... Non, ne pose pas de question. Ne me dis pas pourquoi tu poses la question. Je réponds à la question telle que tu as posée. Amen. Alors, la Bible déclare, le Saint-Esprit peut-il contredire la parole? Non. Qui sont ces prophètes dont tu parles là, Nouna? Qui les a appelés et quel est l'esprit qui les anime? Aujourd'hui, nous avons vu l'esprit de l'erreur. Je crois que quelqu'un parlait aujourd'hui de l'esprit de... On a parlé de l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. La Bible est intransigeante. Quand Jésus a dit qu'il enverrait le Saint-Esprit, il dit que il, le Consolateur Paraclet, vous conduira dans toute la vérité. On a un problème. On peut admettre que peut-être que ce soit une erreur de sa part. Non. Et qu'il pourrait... Non, ce n'est pas une erreur de sa part. On a deux problèmes. On a deux problèmes. Je veux que vous gardiez une autre. Si il y a quelque chose maintenant, et je crois que ça risque d'être lourd, mais je vais venir dans les détails. Je vous avais parlé ici de la différence entre le baptême du Saint-Esprit et l'onction. Le problème se trouve au niveau de l'onction. C'est l'onction qui dérange. Je veux toute votre attention maintenant. C'est là le problème. C'est l'onction. L'onction du Saint-Esprit doit d'abord demeurer à l'intérieur pour donner l'enseignement. Lorsque quelqu'un a l'agissement, comme vous entendez, la Bible déclare, si vous lisez le livre des juges au chapitre 13, au chapitre 14, on dit que l'esprit a commencé à agiter Samson. Vous comprenez ce que l'on dit? Ok, donc ça veut dire que quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous faites quelque chose, la prochaine fois, mais comment il va dire ça pour vous me saisir? Mais essayez, il veut toute votre attention vraiment. C'est facile d'avoir l'onction du Saint-Esprit, assez facile. Mais la chose la plus difficile, c'est de la conserver. Il veut vraiment toute votre attention. Vous pouvez être utilisé par le Saint-Esprit et que l'onction soit sur vous. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que pour que cette onction se manifeste à répétition, il faut le travail dans la sainteté. Pourtant, le baptême, lui, il vient. Le baptême vient pour toujours. C'est juste que vous comprenez. J'espère bien que vous comprenez ce que ça nous dit. Ok, comment il va expliquer ça? Regardez un bout de câble, par exemple. Ce bout de câble. Ce bout de câble, si c'est branché et que vous coupez, vous savez, je crois qu'avec ça, vous allez bien saisir ce que ça nous dit. Ce bout de câble, si on dénude cela, vous touchez la partie qui conduit le courant, ça va vous frapper. Mais si on coupe ce bout de câble, on lance là, vous touchez n'importe comment, il y aura toujours le câble, mais il n'y a pas quelque chose à l'intérieur qui fait passer cela. Donc, tant que le câble est branché sur la source du courant, vous touchez, ça va vous frapper. Vous savez cela? Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit vous connecte pour toujours à la source. Vous savez? Mais un câble qui est utilisé de temps en temps pour brancher, pour faire la lumière, c'est différent. Ce câble-là peut ne plus avoir la lumière. Mais c'est que c'est potentiellement, ça conduit la lumière. Si on le branche, il conduit. C'est donc pour cela que Dieu peut faire pleuvoir sur les justes et les injustes. Il peut utiliser un injuste pour donner une prophétie. C'est parce que vous saisissez. Vous comprenez ce que j'allais dire? Ok. Le baptême de feu. Quel baptême de feu? Oui, lève-toi, tu mets la main sur la tête, maintenant on va prier le baptême. Lève-toi. Préparez-vous avec vos différents thèmes. Je suis en train de regarder pour les gens qui sont prêts, qui sont en train de travailler. On y va, frère. Dans Matthieu. Non, Matthieu, chapitre 3, ne t'inquiète pas. Oui, verset 11. Mets la main sur la tête sur le baptême du feu. Prie pour que le baptême du feu descende. Tu vas voir ça, maintenant. Allons-y. Comment tu ris encore? Il dit, prie-tu demain le baptême du feu, non? Mm. Tu as vu un des exemples de cela dans la Bible? Celui qui vient, plus puissant que moi, ça c'est ce qu'il a dit. Mais on dit que. Il dit, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas dit de délai les sessions souliers. Puis il dit que lui, il vous baptise du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et du feu. Lui, il est venu après lui, effectivement, n'est-ce pas? La personne qu'il disait est effectivement venue. Et on a vu comment il a baptisé les gens, n'est-ce pas? Il a baptisé du quoi? Du Saint-Esprit. Et puis, il a baptisé aussi du. C'est le cas que je ne sais pas. Ah, je ne sais pas parce que la Bible n'en parle pas. Viens t'asseoir, c'est bien. avec cet exemple-là, ça devait pousser les gens de réfléchir. Parce que Jean-Baptiste prophétise en disant que celui qui vient après moi est plus grand que moi. Et quoi qu'on en a déjà parlé dans un autre enseignement, c'est pas le baptême de feu, c'est dans les enseignements. Alors il dit, celui qui vient après moi est plus puissant que moi, lui il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et vous allez dans la Bible, vous voyez, il baptise seulement du Saint-Esprit. Parce que le feu, la baptise, ça dit qu'on plonge. Jésus ne plonge pas les gens dans le feu, ses enfants à lui. Il baptise du Saint-Esprit. C'est pour ça que par la suite, quand il apprend le baptême du Saint-Esprit, tu ne verras pas le baptême du feu. Mais les pasteurs, justement, dont on parle, prient que demandez à Dieu de vous baptiser du feu. Dieu croise le bras en haut qui Wanda sur le gaz sur la terre. Brûle en moi. Et même si c'est brûle en moi, quand on plonge dans le feu, c'est vous qui brûlez, ça ne brûle pas à l'intérieur. C'est un problème. Parce que baptiser, ça veut dire plonger dans. Donc il vous plongera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Ça, c'est dans le Coran, ça se trouve. Que Dieu va faire goûter chacun. Chacun va passer par l'enfer, même par une minute. Si Allah va te faire passer, on me suit pourquoi sur la terre, il va quand même d'abord passer par le feu. Donc tu vas faire waouh, waouh, waouh. Une minute, on est sorti que ah, c'était fort là-bas. Ça, c'est les catholiques islamiques. Maintenant, dans ce livre de Matthieu, il y a des pharisiens qui se trouvent là-bas, ceux qui sont contre Jésus. Il y a maintenant, vous êtes dans un groupe. Il commence à prophétiser. Il dit qu'il nettoiera son air. Il amassera le blé dans le grenier. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il parle comme ça au public qui se trouve derrière. Donc parmi vous, les uns seront pour le Saint-Esprit, les autres seront pour le feu. Ça, c'est la question. Le baptême du feu, c'est la Géhenne. Tu as compris, mon cher? C'est pour cela que dans la Bible, tu ne trouves pas parce qu'il n'y a pas encore. Quand ça sera ouvert, on dit que ceux dont le nom n'avait été écrit, fut où? J'étais à l'intérieur, tu prends Tchungulung, le feu, tu, avant de sortir, tu es baptisé. Voilà. Oui, ça a fait quoi encore? Tu dis quoi, frère? Il a noté ces questions, il regarde question comme ça, il ouvre la Bible. Tu as compris pour le baptême du feu? Donc, si un pasteur dit que tu es baptisé du feu, fuis le pasteur là. Fuis. Vous me posez la question, vous-même allez souvent poser la question à ces pasteurs qui vous dérangent là. Que pasteur, le baptême du feu, tu as répondu. Tu as reçu toi-même. Si tu dis oui, tu dis pasteur, montre-moi un exemple dans la Bible de quelqu'un qui a reçu le baptême du feu. C'est quand même terrible, pas vrai? Tu sais, j'étais quelque part où on envoie le feu. Tu as esquivé, tu es venu par ici. Oui, le Proverbe chapitre 17, verset 13. De celui qui rend le mal pour le bien. Le mal ne quittera pas la maison. Oui. Je comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que si tu fais du bien, tu fais le mal, ça ne doit pas te quitter ta maison. Ça veut dire que c'est calé sur toi. C'est ce qui est écrit, non? De celui qui rend le mal pour le bien. Donc, je t'ai fait du bien. Vous comprenez? Si vous comprenez ces lois spirituelles, vous ne devez pas vous lasser de faire du bien. Si tu comprends ce qu'on a dit, tu n'as pas de la seule faire du bien. Comme vous entendez, quelqu'un dit que non, j'ai fait du bien, Les gens exagèrent. On m'a tellement déçu. J'ai élevé les enfants, ils m'ont tellement déçu. Toi là, tu vas souffrir, c'est entre mes mains. Ce que tu fais souffrir là, tu annules tout ce que tu as fait comme bien. Ça va caler sur toi. On dit ne vous lassons pas de faire du bien quand nous moissonnerons autant qu'on a. Si nous ne nous lassons pas. Continue comme ça, mon frère. Oui. Celui qui élève sa porte cherche la rue. En fait, tout ceux qui s'élèvent seront quoi? Rabaissés. C'est pas Dieu, c'est pas nous qui allons nous élever sur quoi que faut, quelque façon que ce soit. C'est toi qui cherches. On est que avant la ruine vient quoi? L'orgueil. Quand tu ne peux pas élever toi-même ta propre porte, jamais. Il faut que ce soit Dieu, parce que c'est lui qui est la porte. D'accord? L'élévation vient du Seigneur. Des questions? Comme vous avez posé d'autres questions, moi je vous en posé une. Allons-y, mon cher. Dans Matthieu 13, verset 12, on dit qu'on donnera à celui qui n'a pas. Bon, quand j'ai metté dessus. Qui a dit ça? Qui a dit qu'on donnera à celui qui n'a pas? Bon, je suis dit, c'est un lapsus. Quel est le lapsus? Qu'est-ce qu'on a dit là-bas dans Matthieu 13, verset 12? Quand on donnera à celui qui a. Comment tu dis qu'on donnera plutôt à celui qui n'a pas? C'est une erreur. Ok, voilà, c'est une erreur, c'est pas lapsus, d'accord? Maintenant, pose ta question. Bon, quand j'ai metté dessus, j'ai compris qu'on donnera. On aura le royaume et les promesses qui sont liées au royaume à ceux qui ont la vie. Ça t'a confronté, n'est-ce pas, frère? Bon, mais je pose la question. Le royaume et la promesse à ceux qui ont déjà la vie. Maintenant, qui donne les bénédictions au monde? Et non, on les donne comment alors? Bon, ça, sont des bénédictions seulement si le... C'est que tu cherches, même toi, tu ne vois pas. Et ce que toi tu cherches, tu ne vois pas où tu prends, même c'est un injuste qui t'emploie. Si tu, au point où tu dis sans travailler, tu dis que arrête-moi de toi, de ta Bible là, ici là. Il ne te paye pas ici pour que tu prennes Jésus, Jésus, Jésus, va à l'église avec ça. Et ton père le bénit et toi tu travailles avec lui, on te menace. Qu'est-ce que tu en dis, frère? Bon, selon la Bible, c'est normal. C'est normal. Dis donc Amen pour cela. Amen. Mais ne viens pas parler, dis que frère Junior, il faut prier pour que Dieu change le cœur de mon patron. Quand on prie que Dieu change le cœur de mon patron, c'est que prie que Dieu fait qu'il devienne chrétien. Pour qu'il ne me traite plus comme ça. Des questions là? Oui, mon cher. Oui, frère, suite à ta réponse. Vous abordez une phrase, un verset. Je crois qu'il y a. Je regarde la question qui est là pour qu'il est coriace. Vous glissez comme ça, je ne sais pas comment vous allez. Oui, frère, suite à ta réponse tout à l'heure, ma question demeure. À quelle question? Elle répond à quelle question? Oui, par rapport. Au goûtout en commun. Mm-hmm. Oui. Parce que déjà, lorsqu'on en arrive à. Bon, attends, il veut d'abord voir quelque chose. Il veut d'abord voir quelque chose. Ta question c'est, est-ce qu'on doit encore vivre tout en commun véritablement, ou bien est-il possible de la vivre? C'est ça la question. Le problème c'est que le Saint-Esprit a été celui qui a été l'initiateur. Frère, bon, je prends un peu le cas de l'acte 15-22. Oui. On arrive à cette résolution. Oui. On dit bien que c'est les frères descendus de Jérusalem. Oui. Des frères, ils étaient là à la fin. Ils étaient aussi dans le Saint-Esprit. Lequel? Attends, tu parles de lequel? L'acte 15, on dit les juifs. Qui avait cru? Qui avait cru? On fait quoi? Ils étaient aussi dans le Saint-Esprit. Ils imposaient encore, ils demandaient encore. Non, ne coupe pas. Revenons doucement. Ce sont les frères de Judée qui ont fait quoi? Allons-y, cite ta phrase. Ils sont descendus. Qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Et qui? Voilà. Mais le problème, c'est que tu. En fait, tu as sauté la phrase où il dit que quelques gens des partis pharisiens qui ont cru se mettaient à enseigner. Tu as vu ce bout de phrase? Tu as vu ce bout de phrase là? Comment? Qui avait cru? C'est croire n'est pas le problème. C'est se mettre à enseigner qui est le problème. C'est ça qui les a créé les chutes. Tu as bien compris? L'ordre du Saint-Esprit, c'est que parmi vous qui avez cru, qu'ils ne se mettent pas un grand nombre de gens qui se mettent à enseigner. Parce qu'il y a des enseignants ordonnés par le Seigneur. Amen. Et s'ils sont ordonnés par le Seigneur, ils diront la doctrine du Seigneur. Amen. Donc l'erreur ne se venait pas parce qu'ils avaient cru passer le Saint-Esprit, parce qu'ils ont quitté leur territoire. Tu as compris ça, mon cher? Donc c'est parce qu'ils se mettaient à enseigner. C'est ici le problème. Et c'est même la preuve, justement, que si tu commences à faire une tâche qui n'est pas sienne, tu vas faire les erreurs. Il y a des gens qui ont été appelés à la charge d'évêque, mais c'est tout aujourd'hui être prophète. Comment? Qui va te donner l'onction de prophétie? Qui? Dieu ne soutiendra jamais une charge qui te. Bon, supposons que Dieu te donne 2 kilos, que porte ça, tu pars là-bas. Tu vois, tu vas à Rue, tu dis, mais comment celui-ci est lent comme ça? Tu prends sur rapport, tu portes. Quand ça va te peser en Rue, c'est ton problème. Il ne t'a pas donné cela. La Bible déclare que ce qu'on attend de chaque serviteur, c'est qu'il soit fidèle. C'est la fidélité. Et dans Matthieu chapitre 24, où il a parlé de ce. Quel est ce serviteur fidèle et prudent? Donc le maître a établi pour donner la nourriture à ces gens. Heureux ces serviteurs qu'il viendra et trouvera faisant ainsi. Donc le problème pour un chapitre 15, ce n'est pas le fait que tu veux dire que peut-être ils enseignent avec les erreurs alors que le Saint-Esprit était là. Non, le Saint-Esprit n'a jamais été avec eux dans cet enseignement. Si le Saint-Esprit ne dirait pas, il s'est mis à enseigner. C'est un peu comme dans le livre des Juges au chapitre 4. Si vous prenez le juge chapitre 4, comme les gens prennent que non, Déborah était un grand juge en Israël. Dieu n'a jamais suscité Déborah comme juge, il n'a jamais suscité. Elle a dit, elle-même dit qu'elle s'est levée. Et c'est ce que cela en dit que celui qui va élever la porte là, on la ruine. Donc si tu te lèves, c'est pas Dieu. Shamgai, Onil et tous les autres là ont été suscités. Ils crient à l'Éternel, l'Éternel les suscita. Quand Dieu suscite, il est derrière. Voilà pourquoi Samson n'a pas commis d'erreur dans sa marche. Vous comprenez cela? Que non, Samson a commis d'erreur, il allait épouser les filles. On dit que ça venait de l'Éternel. Donc son corps a été utilisé en sacrifice pour sauver Israël. C'est le juge. Il devait délivrer Israël de cette façon-là. Et par conséquent, tous ceux que Dieu a suscités ne font pas d'erreur dans son plan. Tous, sans exception. Ah non, je connais un serviteur, il avait bien commencé, il a dévié. C'est toi qui l'as appelé. Il a très bien commencé au début, il était très bien. Il a dévié. Vous avez vu un papa qui grandit un jour, ça dévie, ça sort le goyave. N'est-ce pas, le Seigneur a dit quoi? Ça allait, fruit, vous le reconnaîtrez. Donc si tu vois le fruit, sache que c'était le mangue dès le départ. Et le mangue a été toujours mangue dès le départ. Je connais un serviteur, il avait commencé bien. Il a dévié. Et le Saint-Esprit qui l'avait appelé l'a lâché. On a des problèmes sur la tête, je vous le dis. Si quelque chose se manifeste maintenant sur le fruit que l'arbre portait, c'est ça, n'est-ce pas? Donc ceux-là se sont levés. Ils se sont levés et se mettent à enseigner. La question c'est, qui leur a donné l'ordre? Parce que l'enseignement et le milieu chrétien, ce sont des choses spirituelles. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Car en le faisant, tu te sauverais, tu sauverais ceux qui t'écoutent, dit la Bible. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17, il dit, c'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant dans la foi. Il connaît mes voix et comment je prêche dans toutes les églises. Il va vous le rappeler. Ce que tu as appris et reçu de moi, confie-le à des hommes capables, pas n'importe qui, à des hommes capables de l'enseigner aussi à d'autres. Tu vois? Je t'ai laissé pour que tu saches que dis aux gens de ne pas enseigner autre doctrine. Voilà ce que le Saint-Esprit dit. Tu comprends ça, frère? Donc, ce n'est pas le fait que les gens de 1 Corinthiens. Je crois qu'il y a un autre enseignement que nous avons fait ici, la première partie, une de ces années, le nettoyage des déchets ici des dénominations. Voilà la preuve que l'une des choses les plus grossières en milieu chrétien aujourd'hui, c'est que tout le monde prend la Bible, commence à aller proclamer. Voilà l'une des grandes erreurs. L'une des grandes erreurs que l'Église a fait face, c'est ça. C'est-à-dire que, ok, les gens sont dans le péril, non, prêchons la Bible, prêchons la Bible. Sortons à aller prêcher. Non, il faut qu'on fasse des choses pour Dieu. Dieu n'a pas besoin. Ce qu'il a demandé, c'est ce que le frère a lu. Prier le maître de la moisson. Première chose, qui a la moisson? Dieu. Il n'a pas dit que les ouvriers, la moisson est grande, aller travailler à sa moisson. Il n'a pas dit ça. Il n'y a pas de verset comme ça. Il a dit prier le maître de la moisson, d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Alors maintenant, ça veut dire que quelqu'un se dit non, il faut qu'il fasse quelque chose pour Dieu. Vision. Notre vision, au point même pasteur même pose la question, même dans les écoles théologiques, on enseigne cela, qu'un bon leader doit avoir une vision. Alors par conséquent, vous allez voir une dénomination, on a mis une plaque. Qu'en porte des cieux, de vision, voici, je mets devant toi une porte ouverte. C'est un verset biblique. Mais ça ne dit pas ce que lui a fait. Quelle est ta vision ici? Notre vision, c'est que la porte soit ouverte pour tout le monde dans les cieux. Pour tout le monde. Et il est venu sur la terre, il a choisi qu'aller choisir au bébé égaré des enfants d'Israël. Il ne savait pas qu'il y avait tout le monde là-bas. Donc, l'une des plus grandes dérives donc, dans ces sacerdotes-ci, c'est le fait que, enfin, à notre ère-ci, c'est que des gens commencent à prendre les choses de Dieu, travailler pour Dieu sans être chez Dieu. Et travailler pour Dieu sans que Dieu ne soit avec eux. Voilà l'une des grandes dérives. Et en faisant comme ça, on croit servir Dieu, mais on crée des problèmes dans l'œuvre de Dieu. Alors, vous allez remarquer, et maintenant, regardez toute votre attention maintenant. Aucune fausse doctrine n'a jamais été enseignée et envoyée au milieu de l'Église par ceux que Dieu a appelés. Aucune. Aucune fausse doctrine n'a jamais été injectée dans l'Église par ceux dont Dieu a appelé. Les sympathisants et ceux qui aident Dieu peuvent le faire. Regardez très attentivement. Si vous prenez le livre de Philippiens, au chapitre 3, le verset 17 et suivant, quand l'apôtre Paul dit qu'il y en a ceux qui prêchent Christ par motif impur. Vous remarquez très attentivement que si quelqu'un a un motif impur, ce mauvais motif-là, il va injecter chez les gens. Mais l'apôtre Paul dit qu'il en soit pour le motif impur ou pour les bonnes motivations, Christ en est point un, moins un, enseigné. Mais maintenant, quand quelqu'un va prendre, il dit qu'il prêche Dieu pour les ventes, souvenez-vous, il prend ces catégories-ci. Ils annoncent Dieu par un mauvais motif. Ok, quand il va venir prêcher en organisant par exemple l'école biblique, prenons un cas spécifique, l'école biblique. J'ouvre mon école biblique. Et puis à l'école biblique, je veux, dans mon esprit, c'est il faut que je sois riche comme le roi du monde. À l'éternel, tout ce qu'elle rend, l'or et l'argent appartient à Dieu. Je ne demande pas à Dieu, je demande à votre poche. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Je trouve les techniques des semences et des récoltes dans la Bible. Je vous enseigne ça. Vous ne connaissez pas ce que je suis en train de faire. Mais dans mon cœur se trouve la cupidité. Je prêche Jésus-Christ. Jésus-Christ est le roi vivant. Ai-je menti? Non. Il est le Dieu créateur. Ai-je menti? Non. Il est allé à la croix pour nos péchés. Ai-je menti? Non. Oh mon bien-aimé, je dis que si tu sèmes aujourd'hui, tu vas récolter. Pas vrai? Ouais, là, je suis en train de dévier, n'est-ce pas? D'un côté, je dis quelque chose qui est vrai sur Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Parce qu'il dit qu'ils ont pour Dieu leur vente. Ils annoncent Christ par motif quoi? Impur, avec un motif impur. Mais l'apôtre Paul dit qu'il s'en réjouit parce que, quel qu'en soit le cas, le nom de Christ est annoncé. Maintenant, ça suppose qu'il annonce effectivement Christ, mais les motivations sont impures derrière. Maintenant, quand on va faire ces choses-là, et puis plus tard maintenant, il construit un empire. Il enseigne le pasteur, il dit que je suis un témoignage vivant de cette loi que je suis en train de vous dire. C'est une loi importante. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie de ceux-là? Il l'a injecté. Ils vont aller maintenant, ils vont dire que notre père spirituel, qui était un tel, était un grand homme de Dieu. Ah, quand il nous prenait. Cette semence, il a appris ça de lui. S'aimer, vous allez voir, vous allez venir. Il y a là deux jets privés. Vous avez vu la répercussion, n'est-ce pas? Vous avez vu effectivement que la sainte doctrine enseignée dira ceci. Nous n'avons rien apporté dans ce monde. Il est évident que nous en sortirons avec. Si quelqu'un a la nourriture et le vêtement, cela lui suffit. Voilà la sainte doctrine. Toute autre perversité qu'on peut faire là-bas, vous avez un pasteur qui vient tester et il dit que beaucoup de gens croient que la racine de l'argent est la racine de tout le monde. On les a invités, on les a enseignés à ne pas être riches. Mais pourtant, l'apôtre Paul dit clairement, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Vous avez vu cela? Fuis ces... Le pasteur lui se tient là, il dit que non, il faut multiplier, s'aimer, soyez en abondant, soyez dans l'entrepreneuriat, déposez le monde. On a dit que vous allez posséder la porte de vos ennemis. Étendez l'espace de votre cordage. C'est-à-dire que multipliez les temps, construisez une maison et autres là-bas. Vous voyez là où on est en train d'indiquer les gens. Ici, on dit que recherche la paix, la charité, l'amour, la joie, la patience, voilà, la justice. Voilà, l'homme de Dieu poursuit cela. Lui, il dit que non, il faut que vous soyez les gens entreprenants. Vous avez l'apôtre Paul était un entrepreneur. L'entrepreneur, que Dieu, son organisation, là, comme vous voyez, l'église, là, comme ça, c'est une organisation comme votre entreprise. Il va prendre la parole de quelqu'un qui n'a pas l'esprit. Que si cette affaire, si cette, ou cette entreprise si vient de Dieu, vous pouvez la réaliser. C'est ça qu'il veut citer pour montrer clairement qu'il est pharisien. Alors, vous voyez ce qu'il en est. Donc, sans ces choses-là, les gens qui viennent pour prendre le nom du Seigneur Jésus-Christ, pour prendre faire le marketing, c'est eux qui injectent ces semences-là. C'est ce qu'il a écrit dans ces deux pierres. Il y a eu parmi les pauvres de faux prophètes, il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront. Ce n'est pas les vrais qui introduisent de faux. Jamais. Qui introduiront quoi? Des sectes pernicieuses et qui, régnant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans la dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous. Donc, ils vont aller au marché. Prends votre cerveau, balancez ça au marché. Balancez ça au marché. Ce livre-ci, le docteur Intel, le docteur Sonar. Tu lis son livre. Tu as le Saint-Esprit. Tu vois ça. Aïe, quand je parle, je sens ça. Quelqu'un dit que donne-moi passer, c'est combien? Donne-moi. Aucun livre humain ne donne le Saint-Esprit. Fût-il même ce livre-ci. Écoutez, très bien, lisez la Bible comme vous voulez. Ça ne vous donnera pas le Saint-Esprit si ça ne vous a pas été donné depuis le ciel. Vous savez ce que Jean-Baptiste a dit dans Jean chapitre 3, verset 27, là aujourd'hui, non? Qu'un homme ne peut recevoir du Seigneur que ce qui lui a été donné. Donc, bavasse ce que tu bavasse sur la terre. Achète tous les livres sur le Saint-Esprit. Prends tous les habits, même des pasteurs qui ont le Saint-Esprit, tu manges. Ça n'entrera pas, non, ça n'entrera pas dedans. Donc, vous voyez, dans 1 Timothée, la Bible déclare que plusieurs docteurs viendront et enseigneront quoi? Et doctrine quoi? Des démons. Donc, la doctrine des démons ne peut pas être enseignée par le vrai. Ce n'est pas possible. Parce que si le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, il enseignera conformément aux apôtres du Seigneur. Les questions, c'est pas de questions. Oui, mon cher. Oui, ma question est située est au niveau de l'église et le corps. Oui. Je voudrais qu'on comprenne, puisque, en fait, l'église est l'ensemble des chrétiens régénérés qui ont reçu le Saint-Esprit. Et ces mêmes personnes-là constituent encore l'épouse. Et maintenant, ils sont encore le corps. J'aimerais comprendre, le mariage, là, se passe comment? Quel est le mariage? Le mariage entre Christ et l'épouse, puisque les chrétiens sont le corps oui. de Christ. Oui. Ils sont encore l'épouse. Qui demande, le mariage, là, se passe comment? Quel mariage? Le mariage entre Christ et l'Église. L'Église est visible. L'Église est-elle visible? Pourquoi il reprend ta question? Il faut que tu reprends cette question. L'Église est-elle visible? Oui. Christ est-il visible? Non. Voilà le problème. Donc, ça veut dire que c'est un mariage entre le visible et l'invisible. Tu comprends cela? Tu fais partie du membre du corps parce que son esprit se trouve en toi. Tu vois cela? Donc, c'est tout le groupe depuis le premier jusqu'au dernier, qui est mis ensemble. Dans ce livre des Jean, chapitre 1, le verset 14, puis le verset 16, il dit que nous avons reçu quoi? Grâce pour grâce. Nous avons reçu de sa plénitude. La plénitude habite en lui. Vous comprenez cela? En lui habite corporellement toute la plénitude. Il n'y a pas un être humain sur la terre qui peut jamais passer sur la terre qui a la plénitude de Dieu. Vous comprenez cela? Mais chacun de nous, dans la verset 1, verset 14 et verset 16, dit, et nous avons reçu chacun de nous de sa plénitude. On n'a pas dit que nous avons reçu sa plénitude. Nous avons reçu de sa plénitude. Ça dit qu'une portion de son esprit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ok. Donc, alors maintenant, il est tout en nous tous et que un peu de lui, un peu de là-bas, un peu de là-bas arrive de cet autre côté, alors forcément sa plénitude en nous forme tout. Tout en tout, ce qu'on a vu déclare, n'est-ce pas? Voilà. J'espère qu'on n'aurait plus d'erreur là-bas. Des questions? Pourquoi tu veux poser une question alors que j'ai des questions? Bon, dans Matthieu 10, verset 28 à 29. Ce qui tue le corps, oui. La question que je voulais poser, c'est que quand le Seigneur tue le corps et l'âme, ça veut dire que les personnes vont être ressuscitées et jetées dans la géhenne. C'est pas que ta Bible dit fort. N'est-ce pas la Bible dit que la mort revient, rejette les morts qui en eux. C'est que la question que toi-même tu poses. Hein, mon frère? Il vous pose une question alors, n'est-ce pas, frère? Il vous pose donc une. Les enfants seront-ils au ciel? Demeureront-ils toujours enfants là-bas? Donc il y a un processus de grandissement là-bas, il y a l'apprentissage encore là-bas. Bonne soirée. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Je suis saisi. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration. D'un cœur que tu as sauvé, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Fidélité. Merci pour ta bonté. Seigneur.